On avait la ligne Maginot, les Allemands l'ont. We're sorry. All of our representatives are still assisting other customers. Please remain on the line as we value your call. Eh oui, au clan Maginot, épisode 1, enfin. Comment ça va les amis? Ça va et toi? Comment ça va? Oh là là, superbe. On est 4, enfin, ah. Ça fait plaisir. Ah, Pierre s'est coupé, cache ça. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est coupé? Non, c'est moi, j'ai la musique de fond s'est coupée pendant peut-être 3 secondes. Eh ben, c'est pas grave. Moi, je m'entends très bien, elle est très belle. On est content, on est là. Qu'est-ce qu'on en pense du générique que j'ai fait en 5 secondes? Qui est bien, je pense que t'es en train de perdre la connexion et on t'entend dire allô. C'est un formidable fiasco. Comment ça va, Brice? Bah, ça va super, et toi? Mieux que la connexion à Kylian. Ouais, je te jure. Plus rien. Oh là là, je fais le bios. Il reviendra plus tard. Du coup, Hotline Maginot épisode 1, on est enfin 4, ça fait plaisir, absolument pas, putain de merde. On est même plus ouais, deux. J'adore le quatrième invité, vraiment, je recommande et tout. Kylian, quand tu auras ton son de retour et tout, tu m'envoies un petit message sur Messenger, je réactiverai ton micro. Hotline Maginot épisode 1, je l'ai dit 4 fois, qu'est-ce qu'on va faire? Podcast de l'année, par quoi on va commencer? Bah, comment ça va déjà? T'as une petite actu cette semaine, Brice. Ça va très bien. Et en termes d'actu, non, c'était la fête de la musique là, donc écoute, j'ai travaillé pour ce soir-là. Et il y a un truc qui m'énerve. C'était amusant dans le travail, mais il y a un truc qui m'énerve. Il y a un truc qui t'énerve. Ouais. On est en 2025 donc, et les gens n'ont toujours pas compris le principe de la consigne quand ils achètent à boire. Ah, ben oui. Lors d'un événement. Mais parce qu'on est en France. Mais oui, mais ça fait des années, je me souviens, c'est arrivé après le Covid, tout ça, environ. Donc on est presque 5 ans après, et les gens n'ont pas compris que, oui, ça coûtait 1 euro plus cher, mais non, ce n'était pas du vol, parce qu'on leur rend après. Et tu sais qu'en Allemagne, c'est légion, la consigne. Mais nous aussi, j'ai l'impression que partout où je vais, c'est comme ça, maintenant je ne vois plus jamais de gobelets en plastique. Ouais, mais le français est un connard, en fait, faut comprendre, mais les parce mecs que là, se sent... tu lui imposes des règles, en fait. C'est ça. Mais le mec se sent hyper intelligent. Pourquoi vous m'avez dit 2 euros de plus, en fait, pour nos deux verres? Eh ben voilà, pourquoi. Donc voilà, c'était le coup de gueule, c'est sorti. Moi, de mon côté, énorme ouais, actu. Ouais. Et je t'écoute. Je me suis fait livrer quelque chose cette semaine, donc j'attendais mon colis. Je n'ai pas loupé une seule fois le colis. Je l'ai loupé deux fois. Alors que j'étais chez moi. Hein. Mais comment tu peux louper un colis chez toi? Je vais tout t'expliquer. Kylian, si tu redis allô, c'était 8 premiers mots du podcast, j'ai envie de t'enclencher déjà. Bah, je viens de. Ça y est, je vous réentends là. Ah, mais ça fait 3 minutes que j'entends personne. Vous avez continué le podcast, bande de bâtards. Bien évidemment. Évidemment qu'on continue le podcast. On est déjà en retard. On veut dormir au bout d'un moment, nous. Allez. Déjà que quelqu'un nous fait commencer à 23h30, je peux dire ce que je veux, de toute façon. Non, mais c'est pas grave, Kylian. Rejoins la conversation, écoute attentivement. J'étais en train d'expliquer. Brice a eu une actu très très chaude sur la fête de la musique. Il en a absolument pas parlé. Et moi, j'étais en train d'expliquer que j'ai voulu me faire livrer quelque chose cette semaine et j'ai réussi à louper deux fois le livreur. Notamment une fois où, en gros, DHL, quand t'es sur leur site et que t'as le tracker, c'est pour voir l'état de ta livraison. Ouais. T'as le petit traquage aussi de la camionnage pour savoir combien d'arrêts il faut. Exactement. Et moi, bah, vu que parfois je suis atteint de folie, je le regarde toutes les 17 secondes, ce petit tracker, parce que j'ai que ça à faire dans ma vie. Et clairement, j'ai vu toutes ces pauses pipi au mec. Hein. J'ai vu sa journée de travail. Et arrivé à 18h, donc moi, ça faisait un petit moment que j'attendais, et c'était marqué plus que 2 livraisons jusqu'à chez vous. Donc moi, j'étais refait. Le camion était quasiment dans ma rue. Hein. Je reçois une notification. Sortir à l'accueillir. J'aurais pu aller la harceler, mais attention, c'est la suite de l'histoire après. Et je reçois la notification, bah tu l'as dans le cul ton colis, ça sera pas pour aujourd'hui quoi. Parce qu'il y a eu soi-disant un problème. Alors que le camion était là. Il était là le camion. Donc, le problème déjà, c'est que moi, c'était la fin de journée, tu vois. Non mais je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu un souci en tout cas, je me suis fait sucrer ma livraison. Donc pas de souci. Le problème, c'est qu'en Allemagne c'était férié la semaine dernière. Il y a eu un jour férié, donc moi je devais me faire livrer le mercredi, je l'ai eu dans le cul. Jeudi férié, donc forcément je l'ai dans le cul. Bah ouais. Et livraison vendredi. Et vendredi, j'arrive le même système à peu près. Hein, donc, je suis le mec pendant 4 heures sur le GPS. Je vois qu'il arrive dans ma rue. Et là, je reçois une notification qui dit « Votre boîte aux lettres n'est pas aux normes » ou « Je n'en sais rien ». Ou, non, c'était pas ça. C'était un truc en allemand. Mais en gros, quand je suis allé sur leur site, j'ai compris qu'il y avait mon nom, il y avait un problème sur la boîte aux lettres. Quoi. Oh là là là là. Ni une, ni deux, je descends. Parce que là, je sais où il est, le mec. Le camion, je le vois. Quoi. Je vais voir le mec. Je n'ai même pas à courir, je suis tellement énervé que je pense que je vais tout voler jusqu'à lui. Non, je vais le voir et tout, je lui dis, bah attends, enfin, je lui montre le téléphone et tout, je lui dis, mais c'est moi. Et le mec, il a pas voulu me le donner, le truc. Quoi. Ouais, il a dit pourquoi, il a dit non. Je sais pas, en fait, je lui montre l'indication, il me dit quelle adresse. Je lui dis mon adresse, il fait, oh non, et il se casse direct. Mais quoi? Je fais, putain, quel bâtard. Et alors, il part. Du coup, là, tu n'as pas ton colis, là? Bah si, je l'ai reçu hier. Ah, et cette fois-ci, la boîte aux lettres. Il a réussi à livrer. Ouais, c'est ça. Ah, parce que du coup, non, parce que vous avez, je sais pas si vous avez envoyé cette photo, mais en gros, sur ma sonnette, il y a mon nom qui est orthographié ah, n'importe comment. Ah, c'est ça le problème, il a pas compris. Mais sauf que la boîte aux lettres, 30 cm à côté, il y a mon nom qui est bien orthographié. Oui, mais voilà, ça dépend du livreur. Il y en a un qui a fait l'effort et l'autre non. Eh ben, il y avait un sale enculé chez DHL ce jour-là. Et il était pour ma pomme. Et puis voilà, actu chaude, voilà, j'ai réussi à rater deux fois mon colis, j'avais bien le seum. Et du coup, après, oui, le deuxième jour, c'était un vendredi, donc voilà, je l'ai eu dans le fion. Pas mal. J'ai dû attendre lundi. Ouais. Propre. Bien joué. Kylian, une actu chaude qui t'est arrivée cette semaine? Alors, bah moi, deux trucs très cool. Premier truc, j'ai peut-être, commandé un truc peut-être des problèmes de connexion, sinon. Non, alors c'est ça, c'était vraiment ton actu, pas ma faute. Dès que vous avez lancé le truc, ça m'a changé de casque, je sais pas compris, donc voilà. Mais première actu, je commandais un truc jeudi et je l'ai reçu samedi, contrairement à toi Julien. Donc vraiment, c'est dans mes veines à 200%. Pas de quoi flex. Et autre actu, la semaine dernière, avec Némi, on se dit vas-y, viens, on va à Toulouse, tu vois. Donc on y va, on fait nos petits. Putain, mais vous connaissez deux villes, quoi, pardon. Excuse-moi, j'adore cette ville, voilà, je suis toulousain dans l'âme. Et, ouais, dans l'âme, et bah ouais. Écoute, tu vas voir pourquoi, quel point dans l'âme. Vas-y, on se dit, bah, on fait le tour et tout, on va voir les endroits qu'on aime bien, ça faisait plus d'un an et tout qu'on n'y était pas allé. Et à un moment, on passe vers un quartier qui s'appelle La Dorade où t'arrives sur la Garonne, tu vois. Et bah là, on voit un mec, un énorme nazi, avec une énorme croix gammée tatouée sur le torse. Quoi, il était torse nu dans la rue? Il était torse nu dans la rue et il insultait tout le monde. Alors l'avantage, c'est que du coup, il insultait aussi des blancs. Donc déjà, on se rend compte que le nazisme, ce n'est pas qu'une question de religion ou de couleur. Mais voilà. Et du coup, donc on a croisé un énorme nazi et évidemment, il insultait tout le monde et il faisait des saluts parce que voilà, il saluait la foule, il faisait un salut romain. Voilà, par rapport à son torse, la taille de la croix gammée? Oui. Tu l'as... La totalité du pec. Ah ouais, je la voyais au milieu, moi. Ouais, ouais. Tu vois, voilà, tu voyais la vidéo de Jamel Comedy Club quand ils font tomber le mec, il enlève son t-shirt, il y a une croix gammée. La même, vraiment la même. Ah ouais. Et personne pour lui casser la gueule. Moi non plus, attention, mais personne. Et celui-là, il t'a invité à son mariage ou pas? Bah écoute, c'était un ami de la famille, mais bon, il a arrêté de crier quand je l'ai vu. Il y a une affaire de baston, hein. Tu parles dans l'actu là, parce que. Ouais, il s'appelle Ragnar le Breton. Ah ouais, c'est vrai. Mais j'ai pas capté du coup ce qui s'est passé. Bon, il s'est battu et l'autre il est allé porter plainte et Ragnar il est parti faire un an de ferme. Mais il a fait une vidéo là pour dire ouais, il s'est passé. Enfin, ma version et à ce qu'il paraît, c'est une version de merde. Bah non, mais j'imagine que de toute façon lui. Enfin, j'ai pas écouté. Mais j'imagine que lui il a le désavantage, c'est que vu qu'il fait des sports de combat et qu'en plus il est quelqu'un, enfin c'est un personnage public, il est considéré comme une arme quoi. Je sais pas comment dire, mais dès qu'il va se battre contre quelqu'un, ça peut être fondé ou pas, il va perdre le procès, quoi. Oui, ils ont dit que c'était un expert des arts martiaux. Je sais même pas si c'est vrai, mais il a pas fait un combat de MMA. Et voilà. Mais vu que c'est son personnage, c'est comme et ça. Oui, quoi. C'est le problème. Ah ouais, mais moi j'ai vu sa vidéo. Ça va. Ouais, enfin, l'explication, c'est vrai que. Parce que les articles, ils disent, ouais, il a tabassé un père de famille, mais pourquoi il aurait fait ça, quoi. Bah, ils sont embrouillés, non? Sur la route, Oui, c'est ça. Non, mais c'est ça, mais genre. Que lui, il explique de quoi c'est parti. C'est lui, il s'est adossé à la voiture et le mec à l'intérieur, il lui a dit dégage de ma voiture. Il a commencé à l'embrouiller. Il est sorti, il a voulu lui attraper le cou. Et du coup, Ragnar, il lui a mis, ce qu'il lui a mis, quoi. Putain, mais un enferme, c'est fort. Ouais, pour. Il s'est pas présenté au tribunal, surtout. Ah ouais, il a forcé aussi. Il a dit que c'était trompé de date, ce gag. Ouais. La pire excuse. Hein. Ouais, il savait sûrement déjà la date. Mais d'ailleurs, plus, je crois que c'est ta première affaire. Principe, donc... Ouais, c'est ta première affaire, Kylian, je crois. Si c'est bien passé. Bah, je sais pas, il était pas présent, donc j'avoue que du coup, j'ai fait bah, s'il est pas là, c'est que c'est pas le bon jour, je suis rentré chez moi. T'as proposé perpète, je crois. C'est Kylian qui lui avait dit la mauvaise date. Ouais, viens quand tu veux et tout. Et voilà. Il a dit 21h30, je crois. Bah, non, énorme. Après, c'était des énormes actus. J'avais une autre actu, mais qui est. Ok. Qui est problématique. Ah, c'était pas le truc problématique, ça? Je pensais qu'on avait passé le point à problème. Ouais. Non, le point problématique. Je ramène Lucas dans le truc. En gros, Lucas, il m'envoie souvent des vidéos de personnes de petite taille. Ok. Attends, qu'il a fait lui-même les vidéos ou juste comme ça des vidéos qu'il a trouvées sur Instagram? Non, des trucs comme ça où il les voit danser ou qui font des conneries, etc. Ah, ok. Je crois qu'il est filmé lui. Et la dernière fois, j'ai vu une personne du coup de petite taille conduire un immense 4x4. Ah, je l'ai déjà vu lui. Des trucs d'américains là, des 4x4 d'américains. Ah non, je l'ai vu à Montpellier donc vraiment. Ah, je l'ai déjà vu. Non, parce que j'en ai vu un sur Instagram qui faisait exactement pareil. Il conduisait des pick-up d'américains. C'est vrai qu'il parle de nain, la brise est très fun. Hein, c'est oui, déjà, voilà. Mais du coup, comment. Enfin, quel serait le fonctionnement d'après vous? Enfin, comment ça fonctionne? Des choses, bien sûr. Genre, ouais, des pédales à avancer, enfin, des trucs. Comment il conduit et monte dans ce 4x4 aussi. Bien sûr. Bah ouais, un rehausseur. Ou alors, il y en a deux. Je vais faire comme si j'avais pas entendu. Et... Non, mais c'est un bon système. Il va au cinéma vrai, comme oui. Ça aussi. Oui. Avec un grand impair. Il se met dans un gros. Exactement. L'impair d'inspecteur Gadget et il y en a deux dedans. Et la question que je me posais, c'est genre, admettons, tu vires le côté non-voyant. Mais pour vous, c'est quoi le pire handicap pour conduire? Être une femme, bien sûr. Quoi? Ça va jamais sortir cet épisode. Bien sûr que si, bien sûr que si. Bon, il y a eu des bugs de son, j'ai su que c'était terminé donc. Mais non, c'est épisode 1, tout se passe bien. C'est épisode 1. C'est quoi? Tout ce qui est handicap physique où tu n'as plus accès à tes membres, tu peux plus conduire. Ouais. Si t'es en froid occlusé dans un touchable, ouais, ça va être technique, hein, je dirais. Ouais, ouais. Il faut trouver un mec qui te conduit ta voiture, ouais, comme dans le film. Ou un joystick de fou. Ouais, mais là, vous prenez le cas le plus extrême, mais sans partir là-dessus. Bah, genre, c'est ta question, frérot. Hein, oui, quel handicap, on t'a répondu, hein. C'est carré, hein. Bah, quel tu veux qu'on te réponde quoi, la chiasse? Pas totalement de conduire. Si, ça va être relou, la chiasse, ouais. La maladie de Crohn, ouais, pour conduire, c'est relou, je dirais. Oui, mais c'est pas tous les jours, la maladie de Crohn. Exactement. Je sais pas, c'est quand t'as la chiasse extrême. Mais non, c'est pas une inflammation d'un intestin ou quoi. Oui, mais du coup. Je crois qu'il y a des jours où ça va. Oui, enfin, j'en sais rien, mais. Je sais pas, ça dépend. Vous pensez que je devrais faire un test pour savoir si je l'ai? Non, non, t'as vraiment mal, hein. C'est pas. Oui, t'as des intestins en trop bonne santé. voilà mes deux petites actus. Oh, bah c'était pas problématique, ça va. Mais du coup, t'as gambergé, toi, sur c'est lequel l'handicap le plus chiant pour conduire? Bah, du coup, sans calculer forcément ça, tu vois, j'étais en mode, il y a des gens qui, quand ils ont pas de bras, ils arrivent à conduire avec les pieds, enfin, il y a un système. Genre un système qui est mis en place et tout, et genre je suis en mode chaud, mais putain impressionnant, tu vois. Moi j'ai plus vu l'inverse, ils ont pas de pied, du coup ils ont des accélérateurs à la main, quoi, tu vois, et tu te dis du coup tranquille, ça va, quoi, enfin, voilà, quoi. Ouais. Petit côté Mario Kart, quoi. Oui, voilà, tranquille. J'avoue que au final, est-ce qu'ils conduisent pas mieux que les personnes non handicapées? Je pose la question. Enfin, j'en sais rien, sûrement en plus. Si, peut-être t'es plus aware. Bah d'un côté, t'as moins de risques. Ils ont plus risque ils ont plus rien à perdre. Vraiment. Ils ont plus rien à perdre. Merci mon frère de m'avoir suivi. Ils peuvent conduire comme ils veulent. Eux, qu'est-ce qu'elle leur dit la sécurité routière à eux? Vous allez avoir un accident? Ils s'en foutent. Et alors? Et voilà. Et alors? J'ai déjà eu. Voilà. Voilà. Mais bah, non, bah. Pour moi. Bah super. Qu'est-ce que vous avez comme actu alors? Qu'est-ce qui s'est passé de beau dans vos régions? Moi, juste avant ça, j'aimerais qu'on instaure une nouvelle rubrique. Parce qu'on est d'accord que on n'est pas connu, on fait pas de, comment ça s'appelle, on fait pas de vues, on fait pas d'auditeurs. Du coup, les invités, ça va être technique hein, à avoir. C'est vrai. Les invités connus. Et Géraldine Nakache et tout, c'est pas pour demain. Alors, j'ai inventé quelque chose. J'aimerais qu'on invite des gens très très précis. Par exemple, j'en ai noté un. J'ai regardé Roland Garros la dernière fois. Et si vous avez déjà regardé du tennis, il y a un certain type de spectateur qu'on connaît tous. Personne a regardé du Tennis ici? Non, mais... Oui, mais je vois pas le type de spectateur que tu parles. Il y a toujours un connard qui fait pop hop hop hop hop hop hop hop. Oui, oui, oui. Et il y a tout le monde qui dit, olé, eh ben, je vais en recevoir un sur ce podcast. Je veux qu'on en parle. Qui sont ces gens, en fait? Je veux un parcours. Je veux savoir, en fait. Ok, ok. Qu'est-ce qui te mène à faire un pop pop pop pop pop? Déjà, c'est un mec qui s'appelle Gérard. Non, mais je ne sais pas. C'est un appel au monde que je fais. Si vous êtes cette personne-là, qui a déjà fait un pop pop pop pop pop pop, contactez-moi sur Instagram. Et puis on fera un épisode avec vous, quoi. Et tu veux pas qu'on dresse un profil, histoire de voir, on fait un profil nous, et ensuite on compare avec la personne qui vient? Mais ça dépend, parce que moi j'ai regardé beaucoup de tennis, ça peut être soit un petit enfant un peu turbulent, ça peut être un bof, et encore non, le bof il va pas à Roland-Garros, c'est souvent, tu sais, le bof mais cadre sup, quoi. Ouais, c'est le bof, c'est mec. Plus, oui, ouais, voilà, bah, c'est Brice, quoi. Non, mais le profil est varié, quoi. Après, ouais, non, le profil n'est pas hyper varié dans le spectateur de Roland-Garros, mais... Il fait très chaud, le soleil tape. Je pense que c'est un coup de chaleur qu'ils ont. Ouais, sûrement. Ah, une bière de trop. Oui, c'est parce que tu t'emmerdes, oui. Hein, je pense, dans tous les cas. C'est cool. Oui, mais moi, je m'emmerde, je regarde mon téléphone, je lance pas un polo-popopo, tu vois. Non, mais voilà, je vais en inviter un. Bah, pour relancer là-dessus, parlons aussi du prix de la bière. La dernière fois, vous savez, j'étais au concert d'Ed Sheeran. Putain, c'était oui. 9 euros les 50 centilitres de bière. Ça me choque pas pour un concert. Sans déconner. Ed Sheeran, surtout. Mais d'où tu bois 50 centilitres de bière, toi? Non, tu l'as pas moi, j'ai pas pris. Mais d'où y tu y vas à un concert d'Ed Sheeran, surtout? Non, mais ça, bah, ça... Déjà, ça, attention. Et en gros, c'est des... T'as plein de mecs dans le stade, enfin, plein de mecs et de meufs, qui ont sur leur dos un sac à dos avec la bière. Un sac à dos avec le cubi, quoi, le cubi, pas le cubi, mais le truc ouais, de le bière, fût de bière. Le fût. Bière, voilà. Ouais, et ils te servent ça, donc déjà, je me demande, est-ce que la bière reste vraiment froide ou est-ce que tu bois de la pisse assez vite? Mais t'en es plus là quand t'es en concert. Mais bien sûr. Déjà, t'es un concert, tu veux boire une bière, mon gars. C'est... Non, mais tu la bois avant. Ces gens-là, ils sont pas là que pour le concert. C'est pas des mecs qui sont là d'habitude, vous qui êtes aficionados du vélodrome. Y a pas les mêmes gars pendant les matchs? Non mais dans les tribunes machin, tu peux pas quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Il y a pas de gars qui. Ah oui, non, il y a pas de gars qui vend la bière. C'est interdit de faire ça. Oui, mais il y a les buvettes derrière. Il y a toujours. Oui, il y a les buvettes souvent à la mi-temps. Mais en tout cas, voilà, c'était pour vous parler du prix de la bière. Donc 9 euros, te choque pas, Brice? Évidemment. Non, non, regarde, samedi soir, je vendais des bières à 8 euros. Mais non, samedi soir, fête de la musique, je vendais des bières à 8 euros. Ça m'a pas choqué, tu vois. C'est... L'événement fait le prix en fait. Ouais, alors ça t'a que 8 pas choqué, la... mais va te faire enculer quand même, tu vois. C'est pas moi qui... Après, c'est pas lui. Hein. Voilà, ah, c'est pas moi. C'est pas... T'as été payé en t-shirt, mais attention. Non, non, j'ai été payé en argent cette fois-ci. Et en t-shirt, les deux. Cette fois-ci, la précision est importante. Pour ceux qui nous écoutent, hein, parce que je précise juste quand même que Brice a fait un festival. Non, mais ne cite pas la marque. Non, je dis pas, deux, pas la marque. Deux soirs. Mais, bah, déjà, pourquoi on cite pas la marque? On est où là? Déjà. Parce qu'une marque, elle veut passer sur le podcast, la marque, elle paye, en fait, c'est tout. Déjà, elle paye pas toi, elle va pas nous payer nous, tu vois. C'est vrai qu'on a un contact, hein, si jamais ils veulent nous sponsoriser, on dira pas qui. Ouais. Monsanto. Bon. On garde pour plus tard. Après mais, cet été. Mais en tout cas, t'as fait un petit festival de je sais plus combien de jours où t'as été payé avec un t-shirt et trois bières, quoi, c'est ça? Un peu plus, sans entrer dans les détails, un peu plus. Mais moi, j'ai rendu service à un ami avant tout. C'est là que vous oubliez trop les détails. Un ami m'a demandé, tu veux pas être bénévole pour que mon équipe soit solide? Et j'étais au rendez-vous, tu vois. Et après, vu le prix de la bière, au final, quand il te les a offert, ces bières, c'était comme un salaire. Je bois très peu ces jours-là parce que... Il les revend. Je bois très peu, non, parce que t'es exténué. Et si je bois un peu d'alcool, c'est fini. Bon, t'as vu, hein. T'as vu déjà piquer dans les verres. Ouais, vomir dans le sac d'un pote. Ouais, j'ai changé depuis. Bref, et du coup, oui, ça me choque pas, parce que l'événement crée le prix, c'est toujours pareil. Bref, c'est le capitalisme, Brice, donc quoi qu'il arrive, ça me casse les couilles. Hein. Après, mais dans tous les cas, tu l'as payé combien, ta place à Ed Sheeran? Oui, c'est vrai, remets dans le contexte. C'était un cadeau, je l'ai pas payé. Mais oui, non, mais... Bon, c'est combien? Oh, il nous casse les couilles, ce mec. Et j'sais encore pas, plus, je sais qu'après, on c'est en, un on cadeau en a et tu payes pas ta bière à 9 euros, putain. On en a pris une pour la mère de Noémie le lendemain. Les une bonnes bière. Places, ça s'est payé... 100 et quelques euros, quelque part, voilà. Quelque donc, part vers là. Tu fais le déplacement, ça, tu payes cher, le parking. Hein. Non, mais tu payes le parking, tu payes le déplacement. T'en es plus à 9 euros près pour la bière, je te jure. T'envoyais une bière, mais une bière, c'est tout. Je dis pas pareil, mais après, derrière, c'est aussi, il faisait 40 degrés, donc la bière, c'était pas la meilleure idée, je pense, pour la soirée, tu vois. Toi, t'as chaud, les gens, ils ont peut-être pas chaud, ils ont envie d'une bière. Mais ça me fait penser, tu te souviens quand t'avais... Surtout un concert de Ed Sheeran, quoi. Histoire de... d'oublier. Bon, allez. Et Brice, toi, la dernière fois que t'es parti du Vélodrome, il n'y a pas eu un problème avec ta bagnole ? Alors, c'était pas du tout ma voiture, c'était celle d'un collègue à nous. Et mais il l'a réparé comme si c'était la sienne. Et je l'ai réparé comme si c'était la mienne et on est rentré chez nous après, donc. Mais bon, ah, voilà. Bravo Brice. Bravo Brice. Bah, ouais, bah, ça va apprendre à changer une roue, c'était pas non plus. C'est à la portée de tout le monde. C'est le seul qui savait le faire. En tout cas, vous étiez trois, ouais. C'était le seul à savoir qu'il y avait une roue de secours. Regarder, quoi. Ah oui, c'était le seul qui a trouvé la roue de secours, alors que c'était pas sa voiture. Hein. C'est quand même une folie mentale. Enfin, bref. Ok. Le prix de la bière. Tu disais quelque chose, Kylian, avant que je t'interrompe pour faire une blague horrible sur Etchan. Non, bah, du coup, je voulais juste parler du prix de la bière, sans déconner en plus. Eh bah, nickel. Ouais, je me posais votre question des actus de votre région, là. J'ai pas entendu l'histoire de Brice, mais il me la racontera en privé, jamais de la vie. T'inquiète. Bah, tu écouteras le podcast, en fait, bien sûr. Ah, ouais. Voilà, je serai obligé. Pour une fois. Allez, ah, oui. Bon, les gars, je vous écoute. Moi, j'ai vu une actu chaude, là, encore, aujourd'hui, avec Ragnar. J'ai vu que Mélenchon voulait changer le nom de la langue française. Parce qu'il disait que il y avait trop de gens qui parlaient la langue française et qui n'étaient pas français, tu vois. Genre, ouais. Les Sénégalais, ils sont plus que nous et tout, ils parlent français, alors que ça doit être un scandale qui s'appelle le français. Ouais. Bon, c'est peut-être un débat de merde, mais je pense que Mélenchon, à travers ce tweet, nous a confié la mission de trouver le nouveau nom de la langue française. Mais c'est bizarre. D'après vous, comment ça pourrait s'appeler ? C'est bizarre, parce qu'il faut que ça... On comprenne qu'on parle du français sans dire français, du coup. C'est ça, ah. J'ai pensé à Thierry. Ok, c'est plutôt français, je suis d'accord. Thierry, tout le monde comprend. C'est en plus, tu parles de Thierry, quoi. Que les Français comprendraient, en plus. Donc l'avantage, c'est que tous les francophones, ils iront se faire foutre. Parce qu'à la base, j'avais pas trouvé d'infos, oui, comme Thierry. Il proposait le nom, mais il a proposé le créole, ce qui est en vrai une bonne idée. Mais j'ai trouvé que Thierry, c'était mieux, quand même. Mais Thierry, encore une fois, ça exclut des populations qui parlent français. Mais tout le monde a un Thierry, je pense. Mais... Tu crois qu'il y a beaucoup de Thierry au Sénégal? Ah, putain, mais non, mais le but, c'est que les Français fassent... Non, que quand il dit créole, c'est que tout le monde dise, même au Sénégal, on parle créole, quoi. Ah! Putain, moi j'avais compris l'exact opposé, savoir un nom que pour la France et que les autres... Ils non, non, non. Oh, oh, c'est totalement l'opposé. Mais ce serait complètement con, ta solution. Bah, je me dis, au pire, on leur donne un truc francophone, et après nous, on se démerde. Non, mais justement, c'est pour pas que... Parce que moi, il y a un truc qui me rend fou, c'est que les Brésiliens parlent portugais, quoi. Alors ouais, que, en 2 minutes, ils peuvent envahir le pays, quoi. S'ils ont envie que ça n'existe plus du tout, le Portugal, quoi. Que ça devienne une succursale, quoi. Donc, c'est pour ça, ouais. Je trouvais que la réflexion était pas conne, mais il nous faut un nouveau nom, les gars. C'est quoi le nouveau nom du français? Ah, c'est chaud. Je sais pas, là, tu me poses une colle, hein. Sinon, le Molière ou le Molier, quoi. Ah. Un truc qu'on comprenne tous. Bah, on prendre un mot. Après, on va pas laisser une demi-heure de blanc après, hein, si on n'a pas dit. Ouais, non, mais il faudrait un mot de la langue française et on comprend que c'est la langue française. Un mot et compliqué. Que ce soit prononçable par tous les accents aussi, en fait. C'est ça la problématique aussi. C'est non, mais qu'on comprenne qu'on parle du français, quoi. Ouais. Non, mais je pense que. Non, le Thierry, ça fait un peu trop. Le Thierry, c'est entre les 30 et les 50 ans. Tu vois, comment pas ça, tout le monde connaît le Thierry. Tout le monde connaît un Thierry. Moi non. Un Thierry même, hein. on dit un Thierry. Un Thierry, oui, un Thierry. Bon, le E est muet. Ah, ouais, tu vois, déjà, on revient muets, dans hein. Les travers de la langue française. c'est trop compliqué déjà. Non, mais j'avoue que après, ouais, ou sinon tu prends un artiste, tu vois. Un artiste et tu donnes son nom, mais vas-y. Genre Pascal. Ouais, ou un bouquin ou. Pascal de l'Astarac. Le Francky Vincent. L'agitateur. Francky Vincent. Putain, c'est vrai. Là, déjà, on réunit tout le monde. Tous les francophones. C'est vrai. À part pour le restaurant. Là, personne. Ah, ça. sauf le menuisier. Ça, pas, ça... Ah, le menuisier était sérieux, oui. Ok, bon, bah, partons sur le Thierry ou le Francky Vincent. On garde. Allez, allez. Ça dépendra de certaines régions du monde. Mais du coup, Kylian, sur ce, est-ce que tu veux balancer ta première actu? Allez, allez, j'embraye. Alors, je vous dis le nom de l'article. Ça s'appelle, enfin, en fait, il y a une citation. C'est Il est encore là. Il y a un objet dans l'Hérault qui à Nîmes, enfin pas dans l'Hérault d'ailleurs, c'est dans le Gard, pardon, en Occitanie, qui va être mis en vente, mis aux enchères à Nîmes. Est-ce que vous saurez deviner ce que c'est? Quand c'est Un il est objet? encore là, ça serait un truc qui a appartenu à quelqu'un de connu, je suppose. Le il, c'est le Exactement. quelqu'un de connu. Ok. Alors le 1000, c'est le quelqu'un de connu et c'est l'objet. C'est Johnny? Que j'avoue, non. Ah. Non, C'est un non, non, on est Français? un peu plus connu que Johnny. Ouah. En France? Enfin, français? Impossible. Non. Ouais, parce qu'il est Ah. impossible en France. Il n'y a pas plus Bah connu ouais. que Johnny. Elvis? Un chanteur? Alors, pas Elvis, mais on est bien sûr un chanteur, ouais. Claude Un François? rapport avec Nîmes? Quelconque? Alors, vraiment, pour le coup, aucun rapport avec Nîmes. Un Ricain? Henriquin. Mort, Henriquin. Michael Jackson? Ah putain, t'es fort. T'es fort. Un objet ayant appartenu à Michael Jackson. Ok. Maintenant, essaye de deviner ce que ça pourrait être. Une capote? Alors, Taille non. 7 ans? T'as... Oh là Allez, cet épisode sortira pas. Non, Oh, alors, si on peut plus rigoler de Michael Jackson, le pédo, c'est quoi? C'est vrai. c'est vrai, c'est vrai. Donc, Michael Jackson. Alors, mais pas la capote, mais on n'en est pas loin. Un Le slip? lubrifiant? Si je te dis que c'est des choses que certains jeunes, les plus porcos d'entre nous, de 16 à 17 ans utilisent. Du poppers, bien sûr. Burst de Michael Jackson. Très facile à savoir. Non, un autre truc. Hand Ah, spinner. c'est un Un habit, un godemiché. habit. Un habit. Un caleçon. Ah non, Que les jeunes pas un gars. utilisent. Une Ouais. chaussette. Ah, une chaussette, exactement. Ah. Une chaussette de Michael Jackson va être mise aux enchères à Nîmes le 20. Ah, c'est passé d'ailleurs le 21 juin. Ah, mais putain, ça n'a pas été actualisé. Donc je ne sais pas si elle a été vendue, mais en tout cas J'allais dire on l'achète quoi, mais j'ai une estimation. Donc si vous voulez, combien? ah bah essayez de deviner, on fait le juste prix. Mais déjà Pour une moi, ou une deux chaussette de chaussettes. Michael Jackson, ça vaut combien? Mais 10 euros, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Ça vaut 10 000 balles. C'est le King of the Pop. Ouais, mais c'est Non une mais chaussette. ça vaut 10 000 balles, Qu'est-ce c'est qu'on tout. se... 10 000 Non, balles. moins. Ah, Cinq mais tu mille. vois déjà. Moins. Mais on peut Bon, je l'acheter. sais On nul. pouvait l'acheter, hein, les gars, on est passé à côté d'une belle affaire, hein, sans déconner. On s'y mettait à trois, Une on l'avait. vraiment belle affaire. Hein. Ça Non, coûte on 1 000 est balles? à plus. Wow. 2 000? Un peu plus. 2 500? Ouais, on est entre 3 et 4 000, en Ok. gros. Ah oui. Et alors, donc, comment elle a pu se retrouver à Nîmes? Ouais, déjà. Donc, du coup, c'est une vente un peu spéciale qui a eu lieu à Nîmes. Elle a été oubliée après un concert à Nice. Donc, déjà, qu'est-ce qu'il y avait à foutre? Enfin, le mec qui l'a Déjà, récupéré, elle a fait du voilà. voyage, ouais. Elle a fait du voyage. Et en gros, c'est que c'est un mec, son frère était technicien sur le plateau lors d'un concert de Nice en 97. Et lors du démontage, il a trouvé la chaussette par terre. Donc, déjà, pas Donc, sûr que ça lui. exactement. Il Déjà, l'a pas trouvé où sûr que par ce soit terre? la sienne ou qu'il l'ait portée, tu vois. Quel scandale, putain de merde. Et donc, en gros, il dit 4 000 que ça. balles. Entre 3 et 4 000 balles. Pour Les les fonds de admirat... merde. La fin de l'article, c'est Les admirateurs sont émus. Un expert a étudié l'objet. Il ne connaissait pas trop Michael Jackson. Le C'est mec pas est une star, expert. le mec. Il a étudié l'objet. Il a fait, ouais, moi, je connais pas trop Michael Jackson. Et il s'est Ouais. renseigné. Il Il a faisait dit, quoi? Du 39? Ouais, bah c'est bon. C'est ça. à peu près comme peut-être 2 milliards de personnes. Et il a dit, j'ai vu que cette chaussette était spéciale. Elle a des petits cristaux sur le haut, c'est typique. Le Ah, styliste bah du oui. chanteur faisait ce genre de modèle. Et en 97, il n'y avait que lui sur scène avec ce type de chaussette. Un fan est venu voir l'objet avant la vente. Une fan, pardon. Elle était très émue. C'est Ah, tu incroyable. J'ai m'étonnes. l'impression qu'il est encore là. J'ai grandi avec ses chansons. Et ses chaussettes. Mais Et ses qu'une chaussettes. chaussette, c'est pourquoi il a peint les qu'une seule quoi, pas la paire. Bah, alors après, je pense que, enfin, Michael Jackson, c'était surtout un showman, donc je pense qu'il change de tenue en Oui, cours de ouais, concert, il a elle a dû en été perdue perdre comme une, ça. Mais complètement, quoi. Ou imaginez le juste, mec c'est qui pas a la acheté la sienne, quoi. chaussette là. Imaginez le mec. Comment il va mettre ça dans son salon quoi, parce que c'est chum. C'est moche une chaussette. Bah, et surtout, t'as pas d'attestation, donc c'est-à-dire que le mec, Non mais derrière. passons ça, passons. Ouais, t'es au-dessus de ça Il maintenant. va la ranger comment sa chaussette? Il va la Alors display? Il déjà, va la montrer elle est dans comment? un cadre. Moi, j'ai une photo de la Ben oui. chaussette. Ah, voilà. Il faudrait qu'on fasse un compte Twitter du podcast et on mettra la photo dessus. Allez. Mais je vous l'enverrai, mais en gros, c'est bien de la merde, elle est moche. Hein. Pour la mettre pour annoncer l'épisode, si tu veux, en story. Ça marche, bah, je te l'enverrai. Mais en tout cas, voilà, c'était... Alors, moi, j'avais une question, du coup, en lien avec, avec cette petite chaussette, c'est que demain, vous vous retrouvez dans... avec un budget infini. Vous achetez quoi comme objet de star ? Toujours des petites méditations. Ouais, moi j'aime bien ça, je pose des questions. Demain, vous avez budget infini, vous achetez quoi ? Enfin, quel objet de star vous fait rêver ? Genre, vous vous dites, putain, j'aimerais l'avoir chez moi, tu vois. Je sais pas, moi je suis très objet, mais... Et quand tu dis objet de star, qui appartient à la star, c'était un rôle, c'était dans un film, c'était un peu... Peu importe quoi. Ça peut être un truc de film, parce que c'est des trucs qui s'achètent aux enchères aussi, les trucs de film. Ouais, bien sûr, je sais. Les lunettes de et machin. Et ça vaut des milliards d'euros, c'est beaucoup trop cher à chaque fois. Bah, beaucoup trop. Bah, c'est impossible à notre niveau pour l'instant. Je regarde à chaque fois, moi, les sites, mais... Non, moi, je me dis, tu vois, une guitare de Hendrix. Tu vois, un truc un peu... Mais t'es fan de Hendrix, ça ? Mais t'as quel âge ? Et alors, déjà, j'aime beaucoup Hendrix. Mais 15 ans qu'on se connaît, jamais entendu parler de Hendrix. Je te promets, jamais il a écouté du Hendrix en voiture. Ok, bah, je vais donner notre star si vous voulez. La guitare de. Bah, je suis sûr que ça se vend en plus. Bah, bien sûr. C'est obligé. Bah, évidemment. Mais non, mais tu vois, genre, je dis un objet, j'ai pas dit forcément celle-là, tu vois, mais genre un objet truc, ce serait un instrument d'une star, tu vois. D'un chanteur, d'un groupe. Et là, le premier truc qui m'est venu, c'est ça. Après, il y a la batterie de Phil Collins, pour être pas mal. Il y a plein de trucs, tu vois. Mais ouais, non, franchement, et vous, rien. Rien vous vient. Si, le T-Max de Joule. Le T-Max de ? De Joule. Ah ouais. Bien sûr. J'avoue que... Non, mais moi, ouais, tout ce qui est rapport au cinéma, moi, oui, bien sûr. Ouais, mais t'as pas un objet fétiche ? Enfin, vraiment, genre... J'avoue, là, j'ai pas d'idée, mais... Non, mais moi, des scripts signés de films que j'adore, enfin, n'importe quoi, enfin... J'avais regardé à l'époque pour acheter des trucs du set de Trainspotting et tout. Enfin voilà, c'est. Moi j'aime beaucoup de films quoi. Ouais, mais ce serait pas l'objet connu en fait. Ce serait plus le côté production, enfin un truc qui serait rattaché à la prod. Plus que. Genre, non, mais que ça existait, ou même un prop et tout quoi. Non, aussi, même ça aussi, mais j'avoue que. En fait, ouais, il y a certains accessoires, je m'en bats les couilles alors que des gens fétichissent ça à fond, mais ouais, des scripts, des trucs de travail, des... Là, la dernière fois, l'année dernière, j'ai acheté un bouquin sur Barry Lyndon de Kubrick. C'est genre toutes les archives sur 15 ans, vu que Kubrick, à chaque fois qu'il faisait un film, il faisait des bibles entières de travail et tout. Et là, ils ont tout réuni en un seul bouquin d'une archive de fou. Pareil, Kubrick, il devait faire un film sur Napoléon. Il avait toute une bible de fou. Là, ils ont tout sorti en sans éditer, quoi, quasiment. Ils ont tout mis dans un dossier. Ils ont fait, allez, hop, ça sort, on édite. Et ça a marché. Ah, moi je l'ai acheté le truc, donc oui. Et c'est trop bien. Hein. Alors, il a pas sorti du coup de film sur Napoléon ? Non, il l'a pas fait. Pourquoi ? Trop compliqué, trop de thunes engendrées. Alors que Ridley Scott a su le faire, enfin je dis ça comme ça. Mais Ridley Scott, il est reparti de certaines des bases de ce bouquin-là justement. T'as vu des similitudes en lisant le. Non, bah il a fait n'importe quoi Ridley Scott avec son Napoléon. Non, je l'ai même pas vu, je critique, je l'avais même pas vu. Bah, moi je l'ai vu, franchement, j'ai bien aimé. Ah ouais? Tu vas le voir pour le spectacle, quoi. Ouais, je sais pas, ça m'a pas hypé. Mais t'as un film très connu comme ça, t'as Jodorowsky qui était un réalisateur, disons spécial, des années 60-70, très dans la drogue, très psychédélique, très à faire des films avec. Un gars qui a pas de jambes et il l'a attaché à un gars qui a pas de bras, quoi. Il fait un espèce de truc bizarre. Okay. Et du coup, il a fait un film, il voulait adapter Dune de Frank Herbert, le bouquin. Ouais. Et il a fait un espèce de truc fou en appelant que des gars du métier qui étaient aussi fous que lui, qui avaient jamais fait trop de films. Donc les mecs pour les décors et tout, c'était un gars qui s'appelait Giger, qui est un Allemand, qui fait des trucs gothiques, de fou balade et tout. Il avait appelé. Après, il savait choisir. Ouais, c'est ça. Il a monté une équipe de fous. Il allait voir Sedou, le producteur, le mec qui a créé Pathé pour produire son film et tout. Ça va être le plus grand film de l'histoire, le plus grand film de science-fiction de l'histoire du monde, en gros. Et il s'est jamais fait parce qu'il coûtait trop d'argent. Ils n'ont jamais trouvé de financement aux États-Unis parce que le film était trop fou. Il devait avoir Dali dedans, il devait avoir Orson Welles. Enfin, c'était une folie, hein, le film. Et en gros, ce film, il en restait qu'une bible, en gros, une bible graphique, une bible du scénario, tout ça. Et en fait, il a été pillé par tous ceux qui ont fait de la science-fiction, par Star Wars, partout. Enfin, tu retrouves des idées de ce bouquin de partout. Ouais, il a inspiré, c'est ça. Ouais. Et il y a un super documentaire qui s'appelle Jodorowsky Dune où il en parle et il dit en fait je l'ai fait mon film quoi. C'est il existe à travers tous les putains d'autres films quoi. Et genre c'est fort, génial. Quoi. Et c'était enfin ouais. Le documentaire il est fou parce que lui il est ouvertement ouf quoi. Mais vu qu'il est encore vivant c'est passionnant de le voir parler et tout de ce qu'ils ont fait à l'époque. Ouais. Mais ouais, tu sens que c'était trop grand pour lui, quoi. Enfin, tout était fou, quoi. À l'époque, c'était surtout l'époque aussi. Ah, mais même maintenant, il n'y aurait aucun. Bah, avec tous les productions à gros budget que tu trouves maintenant, il aurait trouvé le financement. Non, il aurait trouvé le financement. Non, mais même. Enfin, en fait, c'était le projet était trop fou, quoi, pour être financé, quoi. C'était plus ça que trop cher. Genre, les mecs, ils n'ont pas cru. Alors que l'avenir a prouvé que. Ouais, c'était la base de tout, quoi. C'est ça. Mais en même temps, okay. C'est peut-être mieux que ça jamais existe. Ça, devient, bah, ça évite d'avoir trop d'attentes. Et... Parce que là, maintenant, voilà, c'est ça. Vous avez des attentes, c'est une chimère et vous êtes en mode. Non, dans tous les c'est cas, quand ça s'est pas fait une première fois, ils ont abandonné. Enfin, lui, il est passé totalement à autre chose. C'est doux pareil. Non, c'était terminé. Ok. Vous avez. Puis, voilà. Bah voilà pour mon actu, ma première actu. Qui va enchaîner Ouais, bah je vais donner la parole. On fait comme ça. M'a donné la parole, vas-y, je donne. Vas-y, Brice, quel est ton actu de la région ? Ok, donc on part vers Gémenos, que je connais très bien, donc, parce que je travaille par là-bas. Et là-bas, il y a une marque, il y a une entreprise qui s'appelle 1336. On a fêté leurs 10 ans cet hiver, je crois, l'hiver dernier, en gros. Et à votre avis, pourquoi ça s'appelle 1336 ? Qu'elle existe depuis 1336 ? Et non, parce que 10 ans, comme je t'ai dit, ça fait pas 1336 jours. Ouais, mais... Bon, 1336. Ouais, je peux donner des indices au fur et à mesure, mais bon, voilà. Ah, pourquoi ? Est-ce que c'est un rapport avec ce qu'ils produisent ? Non. C'est un rapport avec un prix ? Oui, mais c'est le prix était plus le résultat de ce 1336, en fait. Est-ce que c'est le nombre d'heures qu'ils ont passé à faire un Lego ou un truc comme ça ? Non, je peux vous dire, ils vendent du thé. Et du café peut-être, mais principalement du thé. Ok. Donc ils vendent des sachets de thé en gros. Ok. Est-ce que c'est genre le prix que le gars a racheté l'entreprise ou un truc comme ça ? Non. Est-ce que ça a à voir avec la fondation de l'entreprise ce 1336 ? Ouais, parce que clairement. T'as dit un truc sur le prix, j'ai pas compris en fait. Disons que le prix, leur produit, pour faire référence au nom de la marque, des fois ils le vendent à 13,36€. Ah ok. Oui, voilà, oui. Mais c'est plus voilà. Oui, j'ai cherché de l'autre côté, ouais. Donc, oui. Voilà. Et donc ça a pas de lien avec leur produit, tu as dit ? Non, aucun. Que ce soit du thé ou des piscines, ils auraient pu l'appeler pareil. Du coup, ça a à voir avec la fondation de l'entreprise. Est-ce que c'est un prix ? Ouais. Mais c'est un prix du coup, ce Non, c'est pas un prix, non. Ah, ouais, okay. Non. Est-ce que c'est le nombre d'associés fondateurs de la société ou un truc comme ça ? Putain, ça en ferait beaucoup, mais non, toujours pas. Est-ce que c'est genre les initiales un peu, mais avec A égale 1, tout ça ? Non, du tout. C'est un nombre de quelque chose, 1336. C'est en lien avec la fondation de l'entreprise. En lien. Vu qu'il y a le 13. Est-ce que c'est un truc avec. Non, c'est un. C'est 1336, quoi. C'est pas un 3-3. Ouais, non, ça non, se lit pas différemment. C'est vraiment. Non, ça se lit 1336 quelque chose. Enfin, le nombre de quelque chose, quoi. Ok. Un petit indice, peut-être Ouais, un non, indice. Non, attends, on va trouver. Ah, ok. Je peux donner un indice qui va peut-être pas vous aider, mais bon, ça remet encore plus dans le contexte. Ouais. En fait, c'est une recréation. Cette entreprise, elle a existé sous d'autres formes. Et là, ça fait 10 ans qu'elle existe sous la forme 1336, en gros. Est-ce qu'elle était sous la forme avant la moitié, et en avant encore la moitié, et depuis, ça a commencé par genre 1, puis 2, puis 4, puis etc., jusqu'à arriver non, à ce chiffre ? Non. Est-ce que c'est le nombre d'entreprises qui forment ce groupe ? Non, c'est une petite entreprise. Le nombre d'employés. D'employés ? T'as dit le nombre d'employés déjà, non ? Non, c'est pas le nombre d'employés. C'est pas le nombre de cofondateurs, c'est pas le nombre d'employés. C'est le nombre de quelque chose en lien avec la création de l'entreprise. Ils ont commencé avec 1336 sachets de thé, quoi, disons ? Non. Alors, non. Je vais un peu vous expliquer. Avant, attends. Comme ouais, vous attends, on dit pas, c'est pas la réponse, continue, là. Continue. Ah, c'est pas la réponse ? Non, je savais, c'est une question. J'allais vous dire un indice encore. Non, attends. Est-ce que c'est en lien avec est-ce qu'il y a qu'un seul fondateur ? Non, je peux vous dire, c'est même des comment expliquer ? C'est le genre de boîte où tous les employés prennent décision en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux expliquer. Oui, ouais, ils ont une participation. Voilà. C'est ça. Bah, ils sont pas des tonnes, ils sont une centaine, je dirais. C'est leur chiffre d'affaires chaque année, 1336 €. Non, sinon c'est très peu pour payer les prix. Il a dit 1336. C'est pas un truc. Ouais, est-ce que c'est un nombre de quelque chose 1336? C'est un nombre de quelque chose. Oui, mais il y a quoi quand tu crées une entreprise? C'est genre quand ils ont créé l'entreprise, enfin quand ils ont mis cette forme-là, ils ont dit c'est 1336 parce que ça me paraît évident parce qu'il y a ça quoi. Ouais. En vrai, ouais. Est-ce que c'est un lien avec la région ou pas? Le nombre de chiottes qu'il y avait dans tous les trucs. Non. Le nombre de mètres carrés du premier local? Non plus. Ça aurait pu, mais c'est pas mal ça, mais non. Ah ouais, pas mal ça. Ah, mais le nom de la. Ils étaient au 1336, ouais? Non. Au 1336 rue Martin, quoi, non? C'était pas ça? Je peux vous dire, c'est un nombre de jours. Le nombre de jours avant d'atteindre le million d'euros? Non, sinon ça serait pas mal, mais non. On est coté en bourse? Non, c'est une boîte de thé. Ça a un lien avec les résultats, l'argent ou quoi que ce soit? Ouais, ça a un gros lien avec l'argent, les entreprises, les patrons, les... Ils fait leur premier million le 1336e jour de... Non. Et non, c'est ce que j'ai dit vraiment. Ah, pardon. Non, je vais vous expliquer un peu leur histoire au pire, et je m'arrête juste avant de donner la réponse. Ok. Donc aujourd'hui, ils vendent leur thé eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est une petite boîte, ils produisent, ils vendent, quoi, c'est carré. Avant ça, avant la création de leur propre marque et tout, ça appartenait à Unilever. Vous savez, la marque qui vend plein de produits qui se boivent et tout. Ouais. Ah, avant qu'ils les dépassent. Non. Putain de merde. Non, je disais, ça appartenait. On va jamais trouver. Ça a appartenu. Oui, justement. Vu que ça leur appartient plus, ils ont, depuis la scission, ils ont mis 1336 jours avant de les baiser, quoi. On s'approche. Putain de merde. Avant de les dépasser en chiffre d'affaires, quoi, non? Non, ils les dépasseront pas, parce que... Avant de les racheter? Non. C'est un truc, c'est une action faite par les employés. Bah, ils ont foutu en slip le patron et ils l'ont jeté dans la Méditerranée. Attends, 1336, c'est 1336e jour, on est d'accord, quoi. Non, c'est le nombre de jours, c'est pas le 1336e jour. Attends, comment ça? C'est le nombre de jours? Mais c'est pas le 1336e jour. Genre, c'est tous les 1336, il y a quelque chose qui se passe? Non, il s'est passé quelque chose pendant 1336 jours, et en référence à ça, ils ont donné le nom à l'entreprise. Une grève? Et oui, une grève, très bien. Putain, très fort. Très fort. Incroyable. Parce que du coup, comme plein de boîtes, Unilever, ils se sont dit, on va fermer la branche à cet endroit-là, à Gemnos. Et les employés n'étaient pas d'accord, bien sûr, parce que leur boulot, leur travail, leur famille, tout ça, ils veulent pas déménager. 4 ans de grève? Et donc, ils font grève pendant 1336 jours, et à la fin, ils tombent d'accord pour un plan de rachat par les employés avec leurs indemnités de départ. Incroyable. Unilever lâche quelques millions pour les aider à créer une genre de coopérative. Ah ouais. Et la SCOP TI, voilà. Et du coup, en référence à ça, ils vendent leur thé sous la marque 1336. Voilà. Et alors, ça marche cette marque ou... Écoute, ça fait 10 ans qu'ils sont comme ça, donc c'est que ça a quelque peu marché. T'en as acheté, voilà. Toi? J'en ai pas acheté, j'en ai même pas bu, voilà. Donc, faut que tu nous fasses un retour d'expérience. Ouais. Bah ouais. Et je pourrais en acheter un jour, parce que je pense qu'on peut en trouver partout. Et voilà, et du coup, après 1336 jours de grève, ils sont tombés d'accord sur un plan de rachat, etc. Et ça, voilà. C'est fort. Extraordinaire. Et ça a fait parler, parce que je crois bien qu'il y a eu un film, il y a eu... Ah ouais. Ouais, un film en 2017, il y a eu un one-man show 1336. Voilà. Xavier Dolan qui a fait le film. Philippe Durand, je sais pas qui c'est, mais... Quoi, le film ? Le film, il s'appelle 1336 jours, des hauts, des bas, mais debout. Et débat écrit sous la forme de débattre. Ah, c'est un docu. Il y a eu les deux, il y a eu un film et il y a eu un docu qui s'appelle Le goût de l'espoir. Voilà, c'était la petite acte. Non, c'est l'inverse, je pense. Non, j'ai la page Wikipédia devant moi, après... je viens de chercher sur Google, donc c'est pour ça. peut-être que le mec qui a écrit la page, il a fait nimp, après, ouais. Ouais, il y a moyen. Bon, bref. Voilà. Il y a d'autres trucs. Il y a de quoi voir, quoi. Voilà, il y a de quoi se... Et je peux goûter, oui, un jour, et vous faire un retour. Après, je pense que c'est du thé classique. Ouais, oui, je pense vraiment, éviter, hein. Mais ils ont un beau logo. Et il y a marqué « Coopérative française en dessous, garantie sans remarque officielle ». Ouais, ils méritent, parce que... Et c'était ça, ma question. Au bout de combien de jours de grève, vous lâchez l'affaire, vous? Vous dites, tant pis, ils vont gagner les grands patrons. Le jour où le patron meurt, je pense. La grève peut s'arrêter. Non, mais dans tous les cas, là, parce que 1336, quand tu tiens 1336, c'est que tout le monde a dû le faire. tu peux plus t'arrêter après, surtout. Et le problème, c'est que quand, non, mais surtout que quand tout le monde fait, en fait, le pouvoir de la masse, c'est trop fort, en fait. C'est là, ils auraient pu, l'entreprise aurait pu s'appeler 15 000, en fait. Bah, c'est pour vrai ça qu'ils ont cédé, mais le truc, c'est qu'on arrivera, en fait, moi, je suis d'accord avec Julien, je pense qu'on n'arrivera plus jamais à autant de jours, quoi. Je pense que c'est soit. Ils sont des bâtards, hein, maintenant, les politiques, c'est des chiens, maintenant. Ils font la réforme de retraite, c'était pendant l'hiver et tout, enfin, il n'y a même plus de notion de fair play, quoi. Comment c'est la guerre. Oui, bah après, oui, c'est salopard. Mais les gilets jaunes, ça a duré combien de temps? Pas longtemps. Ouais, je sais pas. Ça n'a pas duré quelques mois, quand même. Voilà. Ouais, ça a duré. Bah, tu vois, genre, tu te dis. Oui, mais bon, ils se sont fait éborgner. Oui, là, les employés se faisaient pas tuer sur place, tu vois. Ils dégrèvent, quoi. Oui. Puis c'est pas dans leur thé, les mecs. Hein. Bah, ils en faisaient plus, du coup. Oui, ouais. But du coca. Ils remboursaient leurs dettes en payant les autres grands patrons. Non, mais ouais, je sais pas, vas-y, toi, Brice, t'as déjà fait la grève en plus, toi, là où tu travailles? Non, il y avait une grève et je suis venu prendre un sandwich. Et oui, ça a duré 4 jours. Et, bah, et en plus, c'est une grève où les gens. Ah non, ils ont pas encore gagné, c'est en discussion. Ouais, ça arrive là. Tu vois, 4 jours, ça suffit pas, quoi. Non, mais en plus, c'est une grève où les gens continuent de travailler, hein. Parce qu'ils font vite fait le matin, ils font du bruit, vite fait à midi, et par contre, ils travaillent. Ouais, ouais, bah, c'est pas une grève. Je pense que si tu regardes les chiffres. Ça reste des grévistes qui touchent 3000 euros, hein, qui viennent attention. Ça, hein. Attention. Là où je suis, il y a aussi des employés. Usine, hein. Il y a aussi des employés de production qui, eux, gagnent beaucoup moins. Mais eux, en fait, c'est toujours pareil. Tu fais grève, tu perds de l'argent. Donc, les gens qui peuvent se permettre de faire grève, il n'en reste pas beaucoup, quoi. Voilà. C'est ça, en fait. Bah, vous êtes riche, en plus, vous pourriez ouvrir des caisses de grève internes. Mais je crois que c'est déjà ce qui s'est passé, honnêtement. T'es syndiqué, Brice, ou pas encore? Pas du tout. Mais je comprends pas pourquoi. Je reçois déjà leur mail avec toutes les explications, tous les combats. Il y a toujours un gars qui envoie trop de mails dans les boîtes comme ça. Mais non, c'est fait pour, donc je vois pas pourquoi me syndiquer, j'ai déjà leurs infos. Je crois qu'il faut me syndiquer si je veux leur conseil. Il me faut, si je veux un jour leur de l'aide si j'ai un problème, là ils vont me dire d'abord non, tu payes et après on t'aide. Non, si tu veux aussi participer à l'effort du truc, hein. Ah oui, oui, c'est bon. Déjà ça. Et par mais parce exemple, que on en connaît ici un mec syndiqué, quelqu'un qui veut se syndiquer plus tard. Une fois ouais, mais moi je connais quelqu'un qui s'est syndiqué, qui a été viré, et en fait le syndicat il a pris en charge tous les frais d'avocat et ils sont juste payés sur la somme que la personne a récupérée. Ouais, en même temps virer un mec qui est syndiqué, ça me paraît de la folie de nos jours. C'est fini, il a gagné. Bah, c'est pour ça que te syndiquer c'est pas une connerie, tu vois. Oui, mais moi je m'en fous. Pourquoi on voudrait me virer, tu vois, enfin. Ah, je peux te donner plein d'exemples. On sait. Ton comportement. Oui, oui, non. Si on te parle mal une fois, oui, on sait ce que tu fais aux et regarde, entreprises. Pour l'instant, ça se passe dans le respect, donc tout le monde est content. On te retire quelques euros sur ta paye et tu fais plonger la boîte, donc. Mais surtout, ouais, pour l'instant, les deux entreprises qui t'ont embrouillé, elles ont coulé, donc j'ai envie de dire finalement. C'est vrai qu'il y en a une qui a fermé et une n'a pas de nouvelles. J'ai eu des nouvelles de la deuxième et eux, ça va, ils continuent leur vie. Ah ouais. Bah, je pense qu'il y a une. Ouais, je pense qu'il y a eu une petite baisse attention. De performance après. Ah, ouais, ça va, il y en a 40 000 boîtes là. Il y a eu une petite baisse de volonté après, je pense, mais genre ils ont continué. Et là, ça fait quelques années, sur la longueur, ils vont à peu près bien, donc voilà. Putain, le miracle. T'es pas trop deg? Pas trop deg, Brice? Bah, non, tant mieux pour eux. Comme quoi, on t'enlève un parce que tu disais négatif. À l'époque. Hein. Parce que tu disais quand t'as fait ce que t'as fait. Non, et la boîte. Elle a continué longtemps sans moi, la première. Donc, c'est encore la première, une fois, elle c'est... a surtout fermé maintenant, quoi. Oui, elle a fermé il y a très récemment, donc c'est pas de ma faute. Non, c'est la faute de Non, mais voilà, vous peignez un personnage, là, c'est pas fou. Ah, problématique, ce sera ton personnage pour tout le reste de l'émission. Bref. Donc voilà, un petit débat sur la grève. Ok. Julien, tu... Moi, j'ai une énorme actu, là. Actu chaude. Ah, moi aussi, petite devinette. Alors, en Allemagne, il y a un cirque qui a lancé du merch. À votre avis, qu'est-ce que c'est? Des trucs avec des peaux d'animaux morts du cirque. Non. Ah, ça m'a fait peur que ce soit vraiment la bonne réponse au premier coup. Est-ce que c'est un merch classique? T-shirt, casquette, pull? Hélas, non. Ok. Est-ce que c'est la voiture où quand tu roules dans la ville, tu peux crier et tout? Non, mais j'aimerais. Ouais, j'aimerais l'acheter, tu vois. Est-ce que, du coup, c'est un merch bizarre, quoi? C'est un merch plutôt étonnant. Insolite. Insolite. C'est imposant, enfin, c'est... Ouais, imposant, c'est non. Des préservatifs. Non. Mais c'est je pense que ça peut, si t'en achètes, beaucoup, quoi, mais à l'unité, non, c'est pas si gros. Ok. les préservatifs. Pour préciser, c'était pendant le Covid qu'ils ont lancé ça, parce que du coup, ils ne pouvaient plus faire de représentation. Du coup, ils ont dû trouver un espèce de business parallèle. Ouais, pour gagner des sous. Des masques ? Non. Rien à voir avec le Covid. Hein. Ils ont lancé ça pendant le Covid. J'ai cru. C'est lié à une activité particulière du cirque, à un des trucs qu'on peut voir quand on va voir le cirque ou pas ? Ouais, c'est lié à un pôle du cirque, disons. Le clown ? Non. Les animaux ou rien à voir ? Les animaux, ouais. Ok, ok. Ah, c'est les animaux, ok. La merde d'animaux en boîte. C'est exactement ça. Putain, trop fort. Enfin, en boîte ou en pot en verre. Hein. Sous forme d'engrais ou un truc comme ça ou... Précisément, oui, la merde des lions. Et pourquoi ? Tiens, voilà, deuxième énigme. Pourquoi la merde des lions ? Parce que ils le vendent un peu, tu mets ça dans ton jardin, et vu que les lions ils sont forts, leur merde elle est forte, et du coup ça fait pousser tes plantes hyper bien, quoi. Notamment, mais c'est pour l'engrais, mais ça aurait pu être n'importe quel animal. Pourquoi les lions ? Il y a des gens qui ont trouvé qui disent un truc spécifique, quoi. Est-ce que c'est parce que la merde des lions est genre liquide ou un truc comme ça ? Non. Ça n'a pas de lien avec la forme ou l'aspect de la chose. Il y a quelque chose dans la merde des lions qui fait qu'elle est mieux que les autres. Il y a un truc pour une utilisation précise de, apparemment, c'est Game Changer, la merde du lion. Le café. Non. Non, bah tant mieux. Tu te trompes avec le petit animal là, qui ouais, l'oiseau, boit du café là. Et qui chie. Ouais, ouais. Et par c'est rapport pour à l'odeur les plantes. Je pense que c'est par rapport à l'odeur, mais ça, il y a un effet que ça fait. C'est, je vous ah, dis, c'est un répulsif il le met... moustique. C'est un répulsif, mais pas un moustique. Pour les animaux dans le jardin ? Les rats ? Ouais, mais le c'est pour un animal en particulier. C'est un répulsif à clodo, dis les choses. Faut penser lion, pensez lion. Un répulsif à gazelle ? C'est non. Nul. Qui a un problème de gazelle ? Bah justement, j'étais en mode, c'est vraiment l'idée de merde. Les chats ? Les chiens ? Les chats, exactement. Les chats qui font pipi dans le jardin, ouais. C'est ça, c'est pour faire fuir les chats, ils mettent la merde, et je pense que ça a l'effet de... Tu sais, oui, comme quand ton daron il va aux toilettes et tu passes après, quoi. T'as pas envie de t'imposer, quoi. T'as un peu peur. Ouais. Mais clairement, ouais. Je pense que c'est le truc, le chat il sort ça, il fait putain de merde, je vais me faire attaquer par Godzilla. Du coup, ils y vont pas. Putain, et du coup, c'est fou, l'instinct de l'animal, quoi. Tous les business, fou, ils sont dit, les gars, la merde du lion, enfin, des lions. C'est parti. Surtout qu'en plus, putain, si tu voulais vendre un truc et faire du chiffre, c'est vraiment la merde d'éléphant, quoi. Il y en a, doit y en avoir tellement que. Non, mais surtout qu'ils vendent, c'est 5 euros le bocal, donc c'était. Enculé. C'était achetable, quoi. On a des stats sur les ventes ? Plus de 2000 bocaux vendus, ouais. Oui, en 2020, mais les gens, je trouve, ouais, ils ont vendu plus depuis. Ouais, c'est ça. En vrai, ils disent. Ou... Bah, on pouvait en acheter, ils sont même. Parce que pendant le Covid, du coup, ils pouvaient rien ouvrir, ils avaient même ouvert une boutique éphémère, quoi. Donc, vous voyez, Squeezie... Un pop-up store. C'est ça, Squeezie et le Chocobuncha, et où Lena Situation et l'hôtel, bah là, c'était pareil avec la merde du lion, quoi. Ils se sont fait trop un fort, petit truc. L'hôtel la merde, je sais pas comment ils ont on appelé a le ça. Prix on a le prix ou pas 5 euros le bocal, euros. Ouais. Ah oui, 5 euros, mais pardon. Mais bocal de combien ? Est-ce que ça se vend oui. par... Le bah, kilo, pas, c'est quoi ? Un bocal, ah. Je pense que c'est une taille plutôt standard, quoi. Ouais, un petit bocal... 500 grammes, cassoulet, tu vois, quoi. Un petit... Ouais, ouais, c'est voilà. Ça. Un petit peu de merde, un petit peu de merde de lion. Et faut pas se tromper dans la cuisine le soir, tu rentres, t'es bourré, t'as faim. Tu ouvres le c'est bocal pas de la de bolo, merde. Quoi. Et ouais. Après, ouais, si tu la gardes dans ton frigo, tu cherches, j'ai envie de dire. Non, pas dans le frigo, mais tu sais, dans un placard mal éclairé, là, en arrière-cuisine. Parce que Brice, toi, tu mets la tienne en bocal déjà, donc t'as oui. Du mal à différencier. T'as ton étagère à merde, donc oui, tu confonds avec les lions, en vrai. Et il y avait et une voilà. Nouvelle étiquette dessus, enfin. Avec la tête c'est du pas, lion. Il y a pas de photo particulière. Il faudrait qu'il y ait marqué le nom du lion qui t'a fait celle-là. Ah oui, d'ailleurs, il y en avait 26. Je vous ai pas précisé, il y a 26 lions qui ont chié. Il mélangeait ou pas ? C'est très important. Je pense pas. Parce que sinon, s'il le mélange, chat avait deux fois plus le peur. Chat, ouais. Le chat, il se dit putain, 26 lions. C'est énorme. Alors que s'il mélange pas, il se dit un seul lion, ça va, c'est tranquille. Mais la vente a été arrêtée parce qu'ils ont plus le droit d'avoir des animaux, j'imagine. On est en Allemagne, c'est pas je les mêmes, pas. Je sais pas. Non, mais il n'y a pas eu de follow-up, c'était quand c'est sorti, en 2020, donc je sais pas où ils en sont. En tout cas, j'ai checké leur site pour voir s'ils en vendaient en ligne. La réponse est non. Oui, parce que toi aussi, t'aurais pu nous faire une dégustation. Exactement, moi je voulais en envoyer à Kylian, donc oui. Ah. Ah, mais puis voilà, actu suivante, mes amis. On revient. Qui veut y aller ? qui a du lourd. Bah, Kylian. Moi, j'ai d'autres actus, mais je les garde pour la prochaine fois. Là, je vais vous faire un petit. On va revenir sur sur Demain nous appartient. On a laissé passer quelques semaines. Alors, pour vous remettre dans le contexte. Mais d'ailleurs, t'as vu là, en parlant de tu sais les séries de type Plus belle la vie, il y en a une nouvelle qui s'est lancée là sur Netflix Cross TF1. Putain, c'est quoi ? Qui s'appelle Tout pour la lumière, qui est genre pour surfer un peu sur comment ça s'appelle la Starac. Ils ont fait une série sur la Starac, quoi, en gros. Ok. C'est genre Plus belle la vie à la Star Academy, quoi. Ah, c'est de retour à La Ciotat. Donc, c'est Brice, tu vas devoir suivre les actualités de... Ah, c'est à La Ciotat. Putain, ouais. Ouais. Son mari Max et sa fille Baya. Il y a, eh ben, superbe. Il y a un certain lien avec Brice. Donc, je me dis, on pourrait prendre le buzz de cette série à succès, quoi. Et on va suivre. Ah, moi, je suis d'accord. Je suis d'accord, Brice, pour que tu nous fasses ça. Un petit point. Bon, du coup, pour revenir sur Demain nous appartient, la dernière fois, on en était resté au fait que Simon s'en était-il pris à Raphaël. Exact. Mais lorsque j'ai lu le résumé de l'épisode qui arrive, de l'épisode qui va sortir, attendez, je vous donne le 20. Sachant qu'il y a eu, deux, trois semaines d'écart. Ouais, c'est ça. Mais quand on y revient, du coup, moi, je n'ai plus de lien avec Raphaël et Simon. Par contre, on parlait de Martial. Martial, dans l'épisode du 4 juin, Martial, il faisait une déclaration à Soizic. Alors, je sais pas si vraiment ça se dit Soizic. Pour leur proposer de passer l'après-midi avec lui à la Payotte. Payotte, qui est un lieu connu de 7. Il sait que François finit il savait que François finissait à 13h et qu'il était off pour la journée. Il a décliné, François, parce qu'il doit assurer des cours de soutien. Martial est quand même allé le chercher en voiture. Qu'est-ce qu'on fait là? L'hôpital. Non, mais parce qu'en fait, je vais vous dire pourquoi. Parce que du coup, j'ai pas de lien avec, on peut faire un suivi. Par contre, il y a un suivi dans l'épisode de demain par rapport à ce Martial. Donc, Martial, il était tout content. Il allait chercher un peu son mec et tout. Et dans l'épisode de demain, eh ben, Martial est mort. Oh! Non. Le matin, François est allongé sur son lit. Et c'est la mort qui a tué Martial, d'ailleurs. C'est, ben, évidemment. C'est très fort. C'est très fort. Le matin, François est allongé sur son lit. Soizic n'est pas rentré de la nuit dans la cuisine. Adam prend son petit déjeuner avec son grand-père. Soizic, excuse-moi. Soizic. Parce que tu suis, peut-être, tu as le philosophe grec. Non, mais je sais comment on dit le prénom Soizic, quoi. Pardon. Alain assure que ce n'est rien de grave. À l'hôpital, Samuel retrouve Soizic en train de dormir sur le canapé de la salle de repos. Elle lui raconte qu'elle a rompu... Ah, mais... Pardon, Soizic, c'est une femme. Pardon, autant pour moi. Mais oui, c'est une femme. Ah, bah je le découvre en même temps que moi, en fait. Et du coup, elle lui raconte qu'elle a rompu avec Martial la veille, puis qu'elle est venue dormir là. Elle appréhende désormais d'affronter François, car elle n'a pas envie de le perdre. De son côté, donc, elle le trompait avec Martial, etc. Donc déjà, pas très cool. En colère, il exprime son besoin de prendre l'air. Dans la rue, il bouscule un passant, puis appelle Martial et tombe sur son répondeur. Il monte dans sa voiture, toujours énervé. Un peu plus tard, François fait venir la police au domicile de Martial, expliquant qu'il est venu le voir et qu'il l'a retrouvé mort devant chez lui, il y a une vingtaine de minutes. Aurore débarque sur place, etc. Donc, maintenant, à vos cols, qui a tué Martial? Est-ce que c'est François? Non, on le sait pas, mais se pose la question. Pour moi, c'est François. Le mec, il est venu, le mec a trompé, enfin, il a couché avec sa meuf. Bah, c'est évident, il a un coup de sang et il a tué. Il y a toujours des twists. C'est le frère jumeau du père mort ou un truc comme ça. Peut-être c'est quelqu'un qu'on connaît pas encore, ouais. Ouais, je pense qu'il faut inventer un prénom. Hein. C'est Benoît qui l'a fait. Ouais, ou Thierry. Benoît, le frère jumeau maléfique de François. Exactement. François et du coup, donc la fin de l'histoire de Martial, c'est qu'en rentrant chez elle, Soizic tombe sur François, qui décide de réunir Adam et Alain pour leur annoncer la mort de Martial. Sous le choc, Soizic est proche de l'évanouissement. Adam l'accompagne dans sa chambre. Alain demande alors à son fils s'il est coupable de quoi que ce soit. Ah, mais jamais de la vie, c'est lui. Et bah, je vous dis la suite au prochain épisode. Je vais essayer de prendre des notes à chaque épisode ce coup-ci pour qu'on ait toujours un petit conducteur, mais je ferai un résumé. Non, mais je vais regarder les résumés chaque semaine et je vous ferai... Et je vous ferai un résumé plus complet si on arrive à suivre Martial au jour du prochain épisode. Du coup, pour toi, Kylian, c'est François. Pour moi, c'est François. On a tous déjà eu ce truc de... Putain, mais imagine, je me retrouve avec le mec, pas du tout, hein, vraiment, personne n'a eu ça, évidemment. J'espère. La police, je n'ai rien fait. On a tous eu un coup de sang à voir. C'est ça, le mec a pris un coup de sang. Et moi, je pense que c'est un accident. Il a poussé, il est tombé dans l'escalier, tombe. Il s'est brisé bien la sûr. Nuque, tu vois. Le con qui tombe, la phobie de tout le monde. Hein. Bah, forcément. Ah, bah, ça, ouais, pour le coup, vraiment, un truc, tu te dis, un jour, tu tues. Pousse un gars, il meurt, terminé. Ouais. Même en voiture, tu croises un scooter, tu croises Brice en moto. Après, il y a peut-être plus de chances qu'on ait envie de le faire, mais. Un coup de volant, voilà, c'est arrivé, quoi. Sur 2 km. L'autre cadet. Voilà pour mes actus. Préfère garder pour la prochaine fois. Moi, je pense que c'est Swazik, moi, qui a fait le coup. Swazik, pourquoi? Parce qu'elle est jalouse du prénom trop banal de François. Enfin, il s'appelait Martial, pardon. Putain, tu oublies le nom d'une personne morte. Ah, c'est un peu dur parce qu'on a 25 prénoms, aucune image, ouais, donc ouais, c'est un peu dur. C'est le bordel dans ma tête. Hein. Disons que c'est un jeu, quoi, pour vous de se rappeler à chaque fois ce qui se passe. Non, mais je vais vous tenir au courant. Je vais vous tenir mais tiens-toi à une seule timeline parce que généralement, ouais, il y en a 800 dans un épisode. C'est comme Game of Thrones. On n'avait plus rien sur les autres. C'est pour ça, ouais. Mais prendre peut-être, ouais, faut prendre des résumés d'une seule timeline, quoi. Quitte bah là, à aller 2-3 jours en arrière. Sera... Ouais, c'est pas mal. Ouais. On peut se focus donc sur l'enquête, c'est pas mal. Moi, je veux savoir qui a fait le coup. Voilà pour moi, les gars. Petite. Et bah, Edorbe, Brice, tu enchaînes direct. Ah ouais, direct comme ça, oula. Allez, on enchaîne. Allez, soyons fous. Faut que je choisisse entre deux. Donc, c'est. Voilà. Il n'y a pas de devinette cette fois-ci. Je voulais juste partager une vidéo avec vous, une image même. Donc au Bossé, pas loin de Toulon, il y a des commerçants qui posent nus dans un calendrier pour sauver leur boutique. Donc là, on peut se dire que c'est quelque chose d'assez classique, c'est les commerçants, ils sont tout le temps à faire ça. Moi, ce qui m'a choqué, c'est que le premier commerçant qu'on va faire ça, c'est le boucher. Putain, il a des saucisses dans les mains. On pourrait se dire, c'est le boucher, mais il peut poser nu dans son jardin, tu vois, encore une fois, ça pose pas problème. Il pose nu dans la boucherie. Donc, je vous envoie la photo. Pareil, ça sera le truc de l'épisode. Voilà. Et bien sûr, oui. Je vous envoie ça de ce pas. Je pourrais même vous envoyer la vidéo, parce que pourquoi se limiter à une seule photo? Et voilà. Quelle horreur. Mais c'est se tirer une balle dans le pied, parce que moi, plus encore, jamais, je mets les pieds dans sa boutique. Et encore, il est bien bâti, quoi, parce que moi, je m'attendais à un Thierry, quoi. Enfin, je m'attendais à un boucher, quoi. Oh, lui, ouais, il ressemble à... Pour le coup, je m'attendais à un boucher aussi, ouais. C'est un boucher qui veut sauver son affaire, c'est un jeune boucher, vous savez. Lui, il ressemble à un boucher, mais de tueur en série, quoi. Le boucher du Val, on pourrait l'appeler, lui. J'en ai... Voilà. Et donc, il se plaint, il s'appelle Alexandre Cornet, je crois, boucher charcutier. Et il se plaint des grandes surfaces, mais sauf que moi, dans mon carrefour, personne ne se met à poil à côté de la viande, donc je vais continuer le à y aller. Le steak n'a pas de poil de bite dessus, quoi. Donc, voilà. Alors déjà, et puis, elle est à combien son entrecôte, là, au kilo? Non, mais ça va, j'en sais rien, tu me poses des questions. Bah, sur la photo, on peut voir. Ça me rappelle... Cette fois, à Toulouse où on s'est fait, je me suis fait arnaquer. Ah bah faut raconter. C'était à Montpellier. Non, c'était à Montpellier. C'était à Montpellier. Ah oui, c'était à Montpellier, exact. Oui, bien sûr. Il y a pas plus tard que l'année dernière, je crois. Ouais. Bah l'histoire pour ceux qui nous écoutent, c'est que bah les gars viennent à Montpellier pour se dire vas-y petit week-end et tout, viennent à la maison et tout. On se dit bah avec Julien, Brice y part, on va se faire plaisir, un petit bœuf Wellington. On va dans jusque des là, halles, on se dit... Jusque-là, pas de soucis. Pas de soucis. Bon, jusque-là, on se régale. On veut se faire plaisir. Voilà, on veut se blesser le cul. On sait comment se blesser le cul et on y va, quoi. Et on va chez le boucher, on lui fait... Bah, on voit un truc, je sais plus ce que c'était exactement. On dit, bah vas-y, 500 grammes de ça. On lui dit pour deux. On lui dit pour deux. Pour deux. Oui, on dit pour deux. Et on regarde le mec faire et on se dit, bah... On donne en gros un... Non, mais je crois qu'on se met d'accord sur un point, hein. Oui, c'est ouais, ça. On dit pour deux, il nous dit, il nous dit 500 grammes, quoi, en gros. Un truc comme 500 grammes, vous allez vous régaler. Ouais. Donc, jusque là, pas de souci. On se retourne, on fait, ah, c'est marrant. On a tous vu des vidéos du mec qui fait, ah, tu veux deux brochettes? Allez. Et le mec en met 10 et ça coûte 46 euros. Voilà, on est sur. un peu plus, je vous le laisse, quoi. Ouais, c'est ça. Parce que, comme ça, je ne l'a pas laissé, quoi. Ça vous dérange pas si je vous mets un peu plus? Non, bah là le mec il a pris le temps de le ficeler, de rajouter du gras, ce qui rajoute du poids par principe. Le mec nous a bien enculé jusqu'au bout. Mais ça encore une fois, puis... c'est normal de mettre la ficelle. Ça c'est normal. Gras, tu ouais, mais ça, tu payes de la viande, tu payes la viande. Donc non, la viande, généralement que la viande. Aussi ce qu'il fait généralement, c'est que il découpe il pèse, il te montre, il dit, j'en ai un peu plus, ça vous dérange pas? Non, non, là, il a coupé 1,5 kg à peu près. Il a ficelé. Je crois qu'on était sur du 900 grammes. 800, ouais, on a tapé 800, ouais. Alors, est-ce que ça nous a empêché de nous taper le bœuf Wellington le soir? Non. Et est-ce que ça nous a empêché de rien dire aussi? Voilà. Est-ce que Julien, en grand prince, a payé et on a tous bien fermé notre gueule? Alors après, il y avait le côté aussi avec Brice, on s'était dit, enfin, on était vraiment juste en train de se dire, imagine, il nous fait ça, le mec nous le fait, on part en fou rire, plus moyen de nous arrêter, et derrière, on se retrouve avec 800 grammes de barbac, avec 800 grammes à bouffer à deux. De barbac, mais il a raison, parce que s'il fait ça à tout le monde à la fin de la journée, le chiffre d'affaires. Mais c'est le boss, hein. Attention, oui. C'est le boss. Non, mais c'est pour ça que qui va ouvrir sa gueule, fois, tu vois. Bah, la prochaine fois, moi, je te jure, la prochaine fois que vous venez, on va au même gars, on lui demande la même viande, s'il nous met 200 grammes, s'il nous met 100 grammes de plus, bah, on lui dit, oui, non, bah, mais le désolé, mec... vous défaites la viande, vous nous enlevez les 100 grammes. Le mec, c'est pas une balance. Fait. Il a le droit à une marge d'erreur, quand même, le pauvre. Mais non, mais là, il nous a enculé. C'était cher, en plus. Ouais, il nous a vraiment enculé. J'ai payé un bon 20 balles, ouais. Mais il y a que les bouchers qui se permettent ce genre de choses. Hein. Évidemment, parce qu'ils ont une arme en main. Le fromager aussi. Ouais, le fromager, oui. Parce que le primeur, tu pèses tes trucs toi-même, donc finalement, tout va bien. Est-ce ah non, moi, je vous ai jamais raconté. Moi, un jour à Toulouse et tout, je vais au marché derrière chez moi et je vois des poires et elles sont gigantesques. Et je me dis, vas-y, trop cool, j'en prends quelques-unes. Bah, à l'époque, je roule pas sur l'or et tout. Je me dis, ah, des petites poires, pas trop chères. Je crois qu'on était à 2 euros ou 3 euros le kilo. Je fais, bah, vas-y, j'en prends. Et je me dis, bah, il m'en faut plein. J'ai essayé de faire une tarte et tout. Je prends genre 10 poires. J'en ai eu pour 15 balles. Et le truc, ouais, c'est qu'elle me les a mis, elle a fait, ah, ça fait tant, j'ai fait. Ok, bah, je tenais mon billet de vin. Merci, madame. Là, tu pouvais très bien dire, finalement, ça fait beaucoup, j'en veux que 8, tu vois. C'est vrai. Ouais, mais sur le principe, sur le moment, j'étais comme un con, je me suis dit, putain, j'imagine pas que c'était. On est des victimes. Pris, j'ai tendu l'argent, bah, j'ai fait la victime, c'est ça. Bien le sûr. Le boucher, il nous a eu parce qu'une fois qu'il a ficelé le truc, bien sûr qu'on a le bouchon, on pouvait plus rien lui dire. T'enlèves les nœuds, t'enlèves le gras, tu le jettes, tu en remets. Non, tu vois. Non, mais là, c'était le côté victime, c'est le côté victime qui est ressorti. Ah oui, oui, bien sûr. Le boucher, il nous a aura farm comme jamais. Vraiment, ils nous ont regardé comme trois merdes. Ouais, c'est un vrai truc, hein. Souvent, pour quelques euros, comme ça, je me fais arnaquer, entre guillemets. Mais bien et sûr. Je dis rien. Bien sûr. Et ouais, des fois, ma copine, elle me dit, mais t'as rien dit. Je fais, mais c'est bon. Souvent, c'est dans les pays étrangers. Parce qu'en France, j'ouvre ma gueule, quand même. Évidemment. Bah, en France, tu ouvres un peu trop ta gueule, ouais. Ouais, ouais, ouais, c'est le problème. Parle mal à tout le monde. Voilà. Alors, et souvent, elle me dit, et je lui dis, non, mais c'est les vacances, on s'en fout, c'est 2 euros et tout. Le mec, il a pas compris ce qu'on voulait et tout. Et voilà, souvent les tarifs au musée, tu vois, le mec il a pas compris ce que je voulais, le tarif étudiant et tout. Oui, parce que je vais encore au musée en tarif étudiant. Bah, mais je me dis que c'est pas grave, tu vois. Non, après, surtout, t'as le truc de. Moi, un truc, c'est quand je vais dans des pays où, tu sais, genre, le niveau, le niveau de vie est moins cher, tu vois. C'est moins cher qu'en France. Ah. Je suis en mode, je vais pas chipoter pour. T'as l'impression d'être moi, je sais que ça, le sauveur c'est blanc. Que pour eux, mais c'est... ces ouais, mecs-là, exactement. On s'en rend même pas compte, c'est nous arnaquent. Il y a plein de pays non. Où c'est pas cher, mais c'est plus cher que pour les locaux, et on sûr. S'en fout, c'est comme ça, c'est tant mieux pour eux, tu vois. Ça. Ah, mais voilà, donc vraiment. Mais quand c'est des pays vachement chers, voilà. Enfin, ça reste. Donc vous le êtes pire, tous déjà fait boucher, enculer, Montpellier. Mais en tout cas, l'histoire de Montpellier, c'était. C'était une grosse histoire. Je pense que je l'ai un peu encore en train. Je suis vraiment en mode. En plus, je passe toujours dans ces halles de temps en temps et je suis en mode à ton connard là. Non, mais surtout, ce qui est fou, c'est que on rigole entre nous. Eh, vous avez vu les vidéos où les mecs, je vous en parle, ils nous font exactement sublime. La scène. Ouais. Bah, Julien, une dernière actu pour clôturer. Allez, on repart sur une petite devinette. En 2014, un déploiement inhabituel de 22 pompiers a eu lieu dans la petite ville de Tübingen, dans le sud de l'Allemagne. Pourquoi, à votre avis? Attends, c'est-à-dire que c'est inhabituel autant de pompiers? Il y a eu 22 pompiers pour quelque chose d'insolite, quoi, en gros. C'est Est-ce une petite que... ville, hein, il faut se dire. Est-ce que c'est lié à un animal? Ce n'est pas lié à un animal. Pour vous donner un indice, ça a eu lieu en extérieur. Un barbecue? Non. Ouais, bah, classique c'était en pas, même temps. C'était pas chez quelqu'un. Ok, c'était dans la rue? Dans la rue. Est-ce que c'était lié au feu? On peut enlever ça dessus. Pas lieu au feu. Ok, ok. Est-ce que c'est lié à... quelqu'un qui était mal en point? Quelqu'un était dans une situation... Coincé disons, dans un banc. Il y a une notion de coincé. Coincé dans quelque chose. Ah putain, il a coincé ses couilles entre deux barreaux de trucs ou un truc comme ça. Non, mais ça, on l'a tous vu, cette vidéo formidable. Photo, la couille dans la chaise en plastique, là. C'est ça, exactement. Donc, quelqu'un était coincé dans quelque chose ou dans quelqu'un d'autre? Dans quelque chose. Dans quelque chose. Dans quelque chose. Est-ce que c'était dans un arbre? Est-ce que c'était du mobilier urbain? Oui et non, enfin, je sais pas comment dire, mais. Est-ce que c'était. Pas du mobilier, quoi. Mais c'est urbain. Est-ce que c'était une partie du corps? Dans le pot d'échappement de la voiture. Non. T'as dit quoi, Est-ce que c'est une partie du corps? C'est tout le corps. Il est. Ah, non, je crois que je t'ai vu. T'as dit en quelle année? 2014. Non, j'en sais rien. Putain, mais c'est plus des actus à ce niveau-là. Enfin, l'actualité est remontée légèrement, quoi. Elle était trop énorme pour peu que je l'ai. Le mec, c'est quoi? Ah, mais c'est pas un mec qui s'est coincé dans une poubelle entièrement. Non. Ah, parce qu'on l'a déjà vu celle-ci. Je crois même que c'était en France. Les poubelles où ça tombe sous terre après. Ouais, il y a un mec qui était rentré une fois. Ah. Ça se referme et dès que tu fermes, ça s'ouvre en bas, ouais. Ouais, ouais. Non, c'est pas quelqu'un dans une poubelle. Pas quelqu'un dans une poubelle. Dans une voiture? Pas dans une voiture. Mobilier urbain, t'as dit. Hein, non, mais mobilier urbain. Ouais, pas vraiment. Je sais pas ce que c'est le mobilier urbain. Mais pour moi, c'est les bancs, les poteaux, les feux de signalisation. Bah, c'est un peu ça, mais c'est pas ça, quoi. On se rapproche plus de ça qu'une voiture. Une statue? Une statue? Oui. Ah ouais. Une statue de quoi? De quelqu'un? Pas de quelqu'un. Ah, d'un animal? Si on veut quelqu'un, mais zoomé, quoi, si on veut. Une partie du corps de quelqu'un? Une partie du corps? Non. Dans des mains? Dans quoi on pourrait se coincer? Dans des mains? Non, il y avait une genre de chatte géante. Oh non. On va lire l'article. Une personne est coincée dans une vulve de pierre. Cet appel d'urgence a été reçu par la police de Tübingen, un étudiant américain, évidemment. En échange, souhaitait explorer l'œuvre d'art et s'est retrouvé coincé. Une affaire qui a nécessité l'intervention de 22 pompiers. Putain, mais 22 pompiers. Mais comment ils l'ont sorti, le mec? Mais déjà, comment il pouvait être coincé dans un truc comme ça? Bah, il est rentré, hein, tout simplement. Je peux vous envoyer la photo. Je veux bien la photo parce que là, j'ai du mal à visualiser. Vous allez voir. Putain, mais c'est très visuel aujourd'hui. Ouais, mais bon, c'est une photo, c'est une statue de chatte, hein. Je peux pas vous dire mieux, de vulve, ouais. Oui, d'accord. Oui, je la voyais pas comme ça. Et il est. Ouais, si quelqu'un peut la décrire. Non, moi non plus. Oh, ben. Surtout comment il est coincé, quoi. Mais il est rentré par les pieds en premier. C'est bizarre. Je sais pas comment il s'est démerdé. Il a rentré les pieds. Oh, bah, je pense qu'il a rentré les pieds dans la partie où ses pieds rentraient. Et il les a laissés glisser en bas. Et avec la force du truc, il a plus. Sauf que là, il peut plus remonter, ouais. Et on sait comment ils l'ont sorti. De quoi? On sait comment ils l'ont sorti? Ils ont dû casser la statue? Non, je crois ils l'ont juste. Ils l'ont soulevé, quoi. Ils l'ont soulevé, c'est quoi. C'est ça, ouais. Ouais. Pour décrire, c'est comme s'il y avait genre un mur avec un trou en forme de vulve et enfin une fente, ouais. Ouais, une fente plus et c'est tout et en plus c'est tout petit quoi, vraiment. Contre, c'est très profond comme statue. Imaginez que c'est un mètre sur non peut-être 2 mètres sur 2 mètres quoi. C'est elle et va bon, c'est énorme. Et c'est pas c'est traversant. Mais comment tu vois par contre, la taille du truc derrière Je sais pas, j'imagine. Vas-y, la taille des carreaux par terre. Ah ouais. Ouais, tu vois la place. Tu vois la place. Ouais, à l'intérieur, tu vois le trou. Ouais. Ok. Et puis, putain, fort le mec. Et du coup, ouais, voilà. On peut lire l'article qui est un petit peu pince sans rire. Tübingen, une ville étudiante libérale avec un maire écologiste et un vagin en pierre. Personne ne s'offusque de telles audaces. C'est un article traduit de l'allemand. Hein, c'est une cata. Ailleurs, une sculpture gigantesque et extrêmement détaillée des organes génitaux féminins entraînerait sans aucun doute une mobilisation générale de la police des mœurs. À Tübingen, le problème jusqu'à présent et que l'œuvre majeure de l'artiste péruvien Fernando de la Rara est restée inaperçue devant l'Institut de microbiologie et de virologie pendant 13 ans. Donc tout le monde en avait rien à foutre de cette putain de statue. Jusqu'à il a fallu jour, qu'un con d'américain qui aille se coincer dedans. Ah, il a mis la lumière sur l'artiste. C'est ça, exactement. Et du coup, depuis 2014, j'ai regardé un peu sur Internet, aucune actu pour cette statue. Et j'ai mené ma petite enquête, parce que Tübingen, comme je précise, c'est dans le sud de l'Allemagne. C'était à 45 minutes de chez moi. Oh, le problème, quand on cherche sur Maps, c'est marqué « fermé indéfinitivement ». Enfin, définitivement, pardon. Et en fait, c'est fermé, mais j'ai dû mener mon enquête, notamment, j'ai envoyé un DM Instagram. C'est peut-être le pire DM Instagram que j'ai envoyé de ma vie. À l'université de Tübingen, déjà. La ville s'appelle Tub, hein, voilà. Alors qu'il y a une statue de chat. Ah, parce que la statue, c'était dans un endroit fermé. C'était ok, c'était pas dans la rue. C'est devant un bâtiment. Ouais, c'est mais devant l'Institut de microbiologie et de virologie de l'université de Tübingen. Mais la honte pour lui, parce qu'en plus, tous les gens vont le reconnaître. Sûrement un étudiant, enfin c'est un étudiant. Bah en ouais, plus, mais donc, ouais, vraiment, voilà, le mec... Après, c'est Tarpin dans le... Du coup, j'ai mené mon enquête parce que je voulais aller la voir. Moi, c'était la meilleure blague à faire, c'était de vous envoyer la photo en direct avec moi devant. C'était vraiment le plan que j'avais en tête pour la semaine dernière. Et du coup, j'ai posé une question aussi sur un subreddit. Et en fait, depuis 2023, il y a des travaux à cet institut. Et du coup, ils ont bâché la statue. Ils ont bâché la chatte. Putain, faut que tu restes ils l'ont rhabillé. À fond sur l'actu, là. Faut que tu attendes qu'elle soit... que ouais, ça aille ouvre. Je pense c'est mort, hein, depuis 2023, gars. C'est chaud, hein. Ouais, c'est vrai que c'est... qu'est-ce qu'ils font comme travaux? Je sais pas. Mais en tout cas, ouais, sur Reddit, on m'a répondu que c'était baisé. Putain, bah, et en tout cas, Reddit a des personnes bien renseignées, surtout. Ah, bah, c'était le Reddit de Tom Ingen, hein, tout simplement. Ah oui, d'accord. Ah oui. Putain, j'ai fait un vrai travail journalistique, hein, les amis. Hein. Parce qu'il y avait aucune actu, hein, sur cette putain de statue. J'ai cherché sur Insta et tout. Il y a deux pauvres cons qui ont pris une photo en 2021, mais l'artiste s'en bat les couilles. Il a fait d'autres trucs depuis. Ouais, c'est vrai. C'était depuis 20 ans, le truc, il y est, avec aucun buzz, mis à part le ricain. Putain, ah, et puis bravo, voilà, ouais. Bravo, et sur ce, en tout cas. On est d'accord que c'est une statue insolite, finalement. Ouais. Eh ben, j'ai fait un jeu. Je vais vous décrire des statues, vous allez me dire si elles existent ou pas. Ok. Et spoiler, il y a des gros tarés dans ce monde. À votre avis, on est chaud. Une fontaine où c'est des gars qui gerbent pour faire sortir de l'eau, est-ce que c'est une vraie statue ou pas? Ah, une vraie statue. En effet, c'est à Londres. Un gars qui essaye d'attraper la merde d'un gosse en train de chier le froc au genou. Ça existe. C'est pas l'inverse du Mannequin Peace ou un truc comme ça, là, c'est... Voilà, c'est Mannequin chie dans son froc. Mais du coup, non, moi je pense que ça existe pas. Ça existe, c'est à Marikina aux Philippines. Ok, putain, c'est fort. Le Père Noël qui pose une pêche par terre. Ça non, pas le Père Noël. Ça. Pardon ? Ça existe, moi, pour moi. Ça existe à Barcelone. Bah oui, c'est... Putain, mais je crois que je l'ai vu, c'est un truc... mais en fait, c'est toute une... Il y a une boîte, enfin, une entreprise qui fait plein de trucs de personnages qui chient. Ah, bah... Ah, et mais je crois pense qu'ils que ont un ça truc avec... Ça. Ils ont un truc Cacatillo, je crois. Ouais, c'est ça, un truc comme ça. Je retrouvais le nom pour le prochain épisode, mais ouais. Mais voilà, le Père Noël qui chie, ça existe en tout cas. Deux gars qui ont des épées à la place de la bite et qui font un duel. Ça existe. Oh bah, ça existe pas. Ça existe pas, mais je propose qu'on la mette à Roubaix. Pourquoi à Roubaix, forcément? Je sais pas, j'ai mis des villes à chaque fois que ce que j'ai inventé. Une meuf à poil sur un coq. Existe. Brice? Ça existe, ouais, aussi. Ça existe. Et bonus, il y avait une immense fourchette aussi à côté, et c'est à Cuba. Putain. Des canards, putain. Les uns derrière les autres, sauf qu'ils ont tous la tête dans le cul de celui de devant. Ah, putain. Pour moi, ça existe. Mais en même temps, tu es un génie créatif, donc c'est compliqué. Moi, je dis que ça existe pas. C'est à Bruxelles. Ah, oh. Putain, trop fort. Un gars qui s'apprête à tirer un penalty, mais c'est un bébé à la place de la balle. Ça existe pas. Brice? Non, je dirais non aussi. En effet, ça existe pas, mais je propose qu'on la mette à Saint-Ouen. Putain, mais c'est à côté de Toulouse, ça. Je sais pas, je dis des noms au hasard à chaque fois, hein, vraiment. La plupart, franchement, Roubaix, je sais même pas où c'est, en plus. Une statue d'une meuf avec des seins qui font trois fois sa taille. Ça existe, tu vas me donner la ville. Ça existe très bien, oui. Ouais, ça existe pas, mais Mulhouse, j'aimerais bien Mulhouse. Moi. Ouais, bon, c'est... Un mec à poil qui tabasse des gosses. Ça existe. Pas. Ça existe à Oslo. Une échelle qui mène jusqu'au trou du cul d'un gars. Ah, ça existe. Ça existe. En effet, c'est à Prague. Quel pays, Prague, Kylian? Prague, c'est... Putain, c'est aussi de la culture. Hein. Je l'ai pas vu, cette statue à Prague. J'ai raté ça. Ça doit pas être la plus connue, hein, je pense. J'ai raté, putain. Un cheval suspendu à 8 mètres de haut parce que sa bite touche droit vers le sol. Ah ça non, existe. Ça existe pas. Brice, j'ai pas entendu. Ça existe, pardon. Ça existe pas, mais je propose au Puy du Fou. Ça marche bien, ça marche. Spider-Man accroché à un mur avec une énorme érection. Oui, mais l'érection se devine et c'est pas le principe de la... La statue est juste maladroite, quoi. Ouais, c'est ça. Ça existe, et non, c'est bien ça. Il a une énorme queue. c'est fait exprès, ça. C'est pas maladroit, ouais. Ah ouais. Putain, c'est fort. Tu pourrais retrouver la photo. Et c'est à Busan, en Corée du Sud. Oh, ok. Percy qui a décapité Ronald McDonald à la place de la Méduse. C'est sûr, ça existe. Non. Ça existe à Venise. Ah, trop fort. Mickey qui se fait enculer par Obama en l'attrapant par les oreilles. Dans la Maison Blanche, directement. C'est entreposé. Ça, votre avis ? Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, mais je propose à la place de la Tour Eiffel. À la même taille, par contre. Hein. Faut que ce à soit la même taille, la même échelle, à équivalence. Oui. Le pape en or qui dabe. Ah, ça existe. Oui, ça existe. Et non, je vous ai eu. Je propose à Abidjan. Un gamin qui se prend une olive par un autre gamin. Au Vatican. Boris. Non, je dirais non. Non. Et ça existe, c'est au Japon. Il n'y a pas la vie hein, sur celui-là. Un gars qui fait sa meilleure levrette à une tortue. Ouais. Ça existe, ouais. À Worcester, en effet, au Massachusetts, dans le Massachusetts, pardon. Kate Moss qui montre sa chatte. Je pense pas, parce que sinon elle aurait porté plainte. Ou alors elle a accepté, ou c'est artistique. Je dis oui, moi. En effet, c'est artistique, parce que c'est pendant qu'elle faisait du yoga, et elle montre pas vraiment sa chatte, mais en gros, il y a vraiment sa tête, sa chatte, et ses jambes en arrière, donc c'est un scandale, la statue. Ah. Et elle est en or, achetée 1 million de dollars, elle est quelque part en Asie. Voilà, visiblement, on veut pas trop qu'on la retrouve. Quelque part. Ouais, c'est plutôt vaste. Mais si vous l'avez chez vous, on veut vous recevoir dans le podcast. Ah, pareil, ça fait partie des gens qu'on va recevoir. Des gens méconnus enfin, qu'on va recevoir. Exactement. Et enfin, une fontaine où j'entends Major sperme de l'eau dans un flacon géant. Non, ça existe pas. Que ça existe pas, mais je propose dans ma chambre directement. Fin du jeu. Putain, bravo, bravo Julien. Faudrait bon passe... des applaudissements à la fin de ton jeu là. Ah bien sûr. Un tonnerre. Qu'est-ce qu'on fait ? On passe aux recommandations culturelles ? Est-ce Allez. Qu'on a le temps ? Oui, ça dure on a pas le temps, on a le temps. Ouais, on l'a fait on en rapide, ça. En 3 minutes c'est plié. Bien sûr. Exactement. Qui commence ? Cette semaine, je vous ai demandé une recommandation culturelle. D'un truc sous-côté ou slash et ou que les gens aiment pas mais toi que t'aimes bien. Et je vais demander à Kylian d'ouvrir le bol. Ok, alors moi j'ai deux trucs. Il y en a un où je sais pas si c'est un truc sous-côté que les gens n'aiment pas. Je sais qu'autour de moi les gens kiffent pas trop. C'est tout simplement le calamar. Le calamar. Moi je trouve Mais qu'est-ce que tu racontes ? Ah oui. Bah ouais, non, mais pour le coup, je sais qu'il y a plein de gens autour de moi qui trouvent, tu sais, c'est un peu caoutchouteux, etc. Ouais, c'est spécial. Ouais. Faut grandir au bout d'un moment. Ouais, bah, comme le café, par exemple. Moi, je déteste le café, tu vois. Donc, ah, oui, par exemple. Mais, donc le calamar, premier truc, franchement. Et alors, dans les tielles sétoises, c'est délicieuse. Surtout de la sèche, ouais. Hein, mais un peu le même délire. Les tielles T'as jamais goûté? Je sais pas ce que c'est. En gros, c'est une genre de pâte brisée. Dedans, il y a une farce avec ces sauces tomates, poulpe sèche. Alors, je sais pas s'ils mettent des olives, mais en tout cas, il y a un vrai truc et tout. Tout bien coupé, mis dans une pâte brisée, que derrière, tu recouvres d'une autre pâte. Et ils foutent ça à cuire au four et c'est hyper bon. À tester, franchement, si... C'est genre comme les... T'en as plusieurs tailles, mais quand tu l'achètes en magasin, c'est taille moyenne, c'est une portion, quoi. C'est un truc que tu peux mettre à côté d'une salade ou quoi. Ah ok. Je connaissais pas. Et donc premier truc, deuxième truc, je reste dans la bouffe parce que bah ça fait partie des trucs voilà. Les hamburgers surgelés. Je sais que c'est un truc que tout le monde déteste, mais moi ça me rappelle mon enfance parce que bah vraiment pour le coup mon père il faisait ça beaucoup quand on était chez lui avec des frites. Vous savez les frites à 2 minutes au micro-ondes. Bien sûr, mec. Ouais, dans les trucs en carton là. Voilà. Et bah, j'ai toujours adoré. Et de temps en temps, petit kiff quand je suis à la maison et tout, ça nous arrive. Bon, on mange généralement tout le temps la même chose, mais ça nous arrive de faire, comme on a pas mal de trucs qu'on n'aime pas ensemble, de faire un repas où on fait un truc que l'un aime et un truc que l'autre n'aime pas, etc. Enfin, tu vois, genre, chacun a son plat en fait. Et bah, de temps en temps, moi, je me prends mes petits hamburgers surgelés et ça me fait plaisir. Mais ceux qui sont bouillants à l'extérieur et congelé à l'intérieur. Évidemment. Et ceux où si tu fais cuire trop longtemps, le pain il devient dur comme de la pierre. Et c'est bien ça. Sûr, avec la sauce qui est de l'équivalent à de la lave, bien sûr. Voilà, on n'est pas sur les trucs Madame Marie, les gros trucs que tu mets au micro-ondes, que tu achètes. Non, ça c'est bien sûr, de riche. Non, nous on est sur le... Pour se faire mal. Voilà, l'emballage blanc avec marqué cheeseburger. Exactement. Dessus, à base de trucs, à base de... Enfin, viande à base de bœuf, tu vois. C'est ça, voir que tu fais réchauffer directement dans l'emballage, là, vu qu'il est prévu. Je fais réchauffer directement dans l'emballage, voilà, c'est le seul moyen que ça reste le pain mou. Mais sinon, il devient dur directement. Ils ont grave amélioré leur emballage parce qu'il y a de l'aluminium dedans. Oui, bien sûr. Fait cuire à l'intérieur et ça réchauffe tout de façon uniforme. Putain, ils sont forts. Bah, ils sont forts. Hein. Je vais en reprendre, ça fait longtemps là. C'est voilà, ça la science-fiction qu'on nous dépeignait dans les films finalement. On les voitures volantes. Voilà pour moi. Et bah, Julien, t'enchaînes. Allez, moi aussi j'ai deux trucs parce que j'ai répondu aux deux consignes que je me suis moi-même donné parce que je suis fou. En truc sous côté, moi j'ai découvert un auteur qui s'appelle Jean-Patrick Manchette, qui est déjà le meilleur nom de l'histoire peut-être, et qui est un auteur de polar des années 70-80, je dirais. Et c'est trop bien, c'est des bouquins qui sont trop bien. J'en ai lu deux, dont un que j'ai lu en d'une traite quasiment. Quand je suis allé à Amsterdam, j'ai lu la première moitié à l'aller et la deuxième moitié au retour dans le train. Et les deux bouquins s'appellent La position du tireur couché et le deuxième s'appelle Fatal. Rien à voir avec Michael Youn. Ouais, c'est trop bien, c'est des polars assez classiques, mais c'est trop efficace, c'est trop bien. Tu sens que, parce que Jean-Patrick Manchette, c'est un mec qui est pas trop connu de nous, de notre génération, je pense, mais un peu plus connu d'avant. Donc c'est un auteur de bouquins qui rêvait de faire du cinéma, mais qui a décidé d'écrire des bouquins parce que c'était plus simple, mais qui derrière, après, a écrit des scénarios pour des films. Et il a aussi été critique cinéma à Charlie Hebdo, où notamment quand tu lis ses articles, tu t'aperçois qu'il a pas vu les films, mais juste ça le fait marrer de chier sur des trucs. Donc je feel that à fond. Et Il est fort du coup. Ouais, c'est un tueur. Et homme de gauche, évidemment. Et quand tu regardes son Wikipédia, il a 36 pseudos, ce qui me tue de rire, alors qu'il s'appelle Jean-Patrick Manchette, hein, qui est quand même un nom d'espion nul. Non, mais ouais. Et c'est trop bien. Et donc ça, c'est ton truc sous-côté, du coup. C'est pas le truc que les gens n'aiment pas. Enfin, c'est pas controversé. Non, non. Non. Bah, moi, j'ai découvert parce que j'ai appris qu'un réalisateur connu, c'est le mec qui a fait The Lobster, Yorgos Lanthimos, il allait adapter un de ses bouquins, qui allait adapter Fatal, justement. Du coup, j'ai vu le nom Jean-Patrick Manchette, je me suis dit, oula, ça c'est pour moi. Et du coup, j'ai découvert l'auteur comme ça. Et puis voilà, trop bien. Si tu veux, un autre auteur aussi de polar comme ça et tout, là, Noémie, en ce moment, elle lit un Mary Higgins Clark, qui est hyper connu pour le coup. Et en gros, ce qu'elle m'a raconté, là, c'est que son livre, c'est un peu différent de tout, tu sais, les Hercule Poirot ou les trucs policiers, tout ça. C'est qu'en gros, tu suis plusieurs personnages en même temps, dont le tueur. Et en fait, tu sais pas vraiment exactement qui c'est, mais tu suis les personnes. Et par exemple, elle m'a dit là à un moment, plusieurs personnes qui sont suspectées. Enfin, elle suspectait plusieurs personnes. Et en fait, un de ses suspects a été tué et elle sait pas qui c'est. Ce qu'elle sait, c'est qu'elle a eu la vision de la personne qui est morte, tu vois. Et du coup, c'était un truc où en fait, tu suis tout et t'arrives pas trop à savoir. Et jusqu'à la fin, je pense que ça te tient. Et t'es en mode, bah, tu découvres. Petit à petit, qui est le tueur, sans que ce soit un truc comme à la Hercule Poirot où c'est, t'as des petits indices disséminés. Là, c'est, tu suis un peu tout et en plus, tu suis aussi le tueur. T'es pas juste un enquêteur qui enquête sur le truc. Voilà. Donc, si t'aimes bien les polars, les trucs un peu. Le livre de Noémie. C'est l'écrivaine. Je serai le nom. Mais c'est Mary Higgins Clark. Okay. Après, peut-être que les autres sont différents. Peut-être qu'elle en a écrit qu'un seul dans ce genre-là. Mais ça m'étonnerait généralement, c'est que, surtout qu'elle a sorti un grand paquet. Donc voilà, donc petite reco. Ça par contre, c'est ni sous-côté ni. Oui, c'est en ni, plus. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Et pour raconter un peu JP Manchette, la position du tireur couché, en gros, ça raconte l'histoire d'un tueur à gages qui décide de raccrocher. Et du coup, bah, il se casse et il décide de retourner dans le village d'où il vient quand il était gamin. Et après, il se passe plein de trucs. Mais rien que ce petit twist-là de devoir suivre ça, moi, je trouve ça trop bien, quoi. Putain, c'est fort, ok. Bah, je note. Et Fatal, je peux pas trop vous dire l'histoire parce que vu que c'est très très court, ça raconte un peu tout le bouquin, mais c'est trop bien aussi. Ok. Mais c'est sûr, c'est une affaire de tueur à gage aussi, en gros. Souvent le même truc, du coup, ça tourne autour. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est le vrai polar à l'ancienne, mais trop bien écrit, donc trop bien. Et en truc que les gens n'aiment pas, moi, il y a un truc souvent que quand je parle, tu sais, un peu des vieux films, tout ça, tu sais, un peu les références, tu sais, qu'on a de l'humour, tu sais, de Mission Cléopâtre, ou même, j'adore les sous-doués et tout, moi, tu sais, c'est les films que je kiffe. Ouais, bien sûr, j'adore les sous-doués. Et il y a un groupe, qui est un peu connu dans l'humour français, qui s'appelle les Charlots. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas, parce qu'ils trouvent que c'est un peu gamin, quoi. Mais pas comment dire, tu sais, c'était les films qui passaient sur Gulli et les Charlots, tu vois, quand on était gamin aussi. Ils en rediffusaient beaucoup. Et c'est parce que c'est de l'humour, tu sais, très absurde, un peu Monty Python, mais à la merde. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment pas, alors que moi, je trouve ça trop bien, notamment les gens qui s'appellent Le Grand Bazar. Mais... Non, parce que même moi, quand j'étais gamin, ça me disait, moi, je me rappelle dans ma famille, on me disait que c'était de la merde et tout. Ouais. Ah ouais, déjà à l'époque. Ouais, c'est ça, ouais. Alors que moi, je trouvais ça stylé, quoi. Parce que c'est très, D'accord. justement, ça joue beaucoup sur les effets spéciaux faits main, quoi. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est très Oui, c'est ça, ils carton-pâte. ont fait les bidasses. Ouais, c'est ça, les Bidas, c'est très connu, c'est leur série phare. Et c'est très, ouais, des trucs absurdes, mais un peu cons et tout. Sauf que c'est trop bien. Il y a beaucoup de films qui ont été réalisés par Claude Zidi, qui est justement le réalisateur des Sous-doués. Ouais, Et ok. c'est la même ambiance. Il y a un film qui est génial avec les Charlots, c'est Le Grand Bazar, qui est un film de gauche, où c'est Michel Galabru qui tient un petit magasin de quartier, une droguerie, quoi, je pense. Et il emploie justement les Charlots, qui font globalement n'importe quoi. Et du jour au lendemain, t'as genre Super U qui vient s'installer, et là, c'est la Ouais. guerre. Ah merde. Et Ah, du du coup, coup, c'est les non, Charlots c'est marrant, du qui vont coup, ils vont casser saboter. les couilles. C'est ça, qui vont saboter le magasin avec ta Galabru qui est en furie dans le film, il est génial. Non, c'est trop bien. Putain, pas mal. Le film est vraiment trop bien. Et c'est Claude Zidi aussi à la réalisation, du coup c'est la même ambiance que les Sous-doués, avec beaucoup de blagues qui reposent sur le fait de détruire un truc, enfin je sais pas comment dire, mais enfin c'est que des trucs avec des décors en vrai, quoi. Il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de. C'est des vrais gags à l'ancienne, quoi, et c'est trop bien fait, c'est trop marrant et. Et Galabru qui hurle, ça me fait toujours plaisir. Donc, Bah écoute, moi les Charlots, je connais, j'aime bien. Franchement, alors j'ai plus de souvenirs parce que je regardais ça quand j'étais vraiment petit pour le coup. ouais, Mais c'est ça. Ouais. en vrai, ouais, non, moi je me souviens que ça me faisait marrer. Et derrière, bah évidemment, les Sous-doués, j'adore. Donc si le mec a réalisé ça et il a réalisé des autres films, ça peut Ah ouais, qu'être bien. celui-là, Le Grand Bazar, il est vraiment très très bien. Et puis voilà, Boris, pour conclure. Moi, c'est un truc. Alors, c'est pas sous-coté pour tout le monde, mais dans notre génération, les gens de notre âge, ils s'en foutent totalement. Et moi, c'est mon petit plaisir. C'est les chaînes YouTube de bricolage. Ah, Ah, je vous jure, évidemment. tout le monde s'en fout. Ah, mais Et évidemment. moi, j'adore. Et j'en regarde plein. Parce que souvent, c'est quoi? C'est un épisode par semaine ou un épisode toutes les 2 semaines, en gros. Et ben, souvent, c'est le week-end que ça sort. Et ben, dimanche, je me fais une petite session, je les regarde toutes. Genre des mecs Plus. de... Parce que moi, je suivais un gars à une époque qui rénovait sa maison. C'est Je genre vais des vous trucs faire la comme liste. ça? Ouais, c'est ça. Je vais vous faire la liste. Il y a Eric Le Carreleur. Très bon, bah ça c'est Ah, dit. ouais, Le il nom fait porte tout le nom. déjà. Très Peut-être pro, le c'est un nom, des. peut-être le nom de la langue française, hein. Éric Le Carreleur. Eric Le Carreleur. Voilà. Premier. Après, j'ai DJ Plomberie. Très très bon aussi. Donc là, j'ai fini avec les noms qui se décrivent eux-mêmes. Après, il Tu y les a regardes French Red. vraiment ou tu les as trouvés? Non, je les regarde, j'en ai regardé plein. Après, DJ c'est selon Carreleur, les tu épisodes. regardes? Éric Le Carreleur, je Et c'est regarde. DJ quoi? DJ Plomberie. Encore mieux. Non, mais des fois, c'est une vidéo, j'installe une pompe de piscine et je regarde pendant 20 minutes alors que j'ai ni piscine ni jardin, tu C'est vois. fort ça, mais en vrai c'est Après, trop bien ces mais oui, il y a French Renovation, il y a Passons Rénovation, Ah il voilà, y a c'est lui que je Rachel et regardais. Emilien. Ouais, lui, il était connu. Et en fait, j'adore parce que déjà, c'est totalement différent du monde YouTube classique. Il n'y a pas tout ce qu'il y a sur YouTube, quoi. C'est des vraies vidéos, voilà, sympathiques. Mais là c'est beaucoup de chaînes quand même que tu viens de citer là. Ouais, mais des fois, tu sais, il y en a, des fois, ils ont des projets et pendant un mois, tu regardes pas parce qu'en Oui, fait, c'est ouais. nul, tu vois. Et Bah, donc, je me regarde tout le monde. dans la même veine, t'as le mec qui faisait les vidéos en mode papa, moi j'ai pas eu de père pour Ah, je apprendre me à bricoler, et souviens, du coup ouais. j'apprends à Ah, bricoler oui. aux autres et Ouais. tout. Ça, très cool. Et je sais que je connais quelqu'un qui regarde une vidéo d'un mec qui a construit un bateau de A à Z. Et bah, si ça t'intéresse, je te donnerai le nom Pourquoi pas, ouais. de la truc, mais en gros ouais. Et ensuite là, la dernière vidéo que j'ai vue, puisque du coup je regardais avec la personne, c'était il partait en mer et ça marchait trop bien, et il disait bah il y a ça qui est pas bien, il y a ça qu'il faut qu'on revoie, il y a ça, et en fait à chaque fois il reprend, il améliore et il repart quoi. Et voilà. Et moi j'adore parce qu'en plus tu suis le mec, genre je construis une maison. Il y a 2 ans tu regardais le premier épisode, là il a fini aujourd'hui quoi, c'est Bah. fou. Mais vous connaissez pas Salut c'est Jacques? Non, ça me dit Donc rien. qui est un Comme peu sur les quoi? TikTok tout ça. C'est un Non, espèce de connais gars, moi pas. je l'ai vu sur les YouTube Shorts, où c'est un espèce de vieux. Je crois qu'il est marseillais ou un truc comme ça, il fait ah, eh ben, je vous montre une astuce, ça vous sait pas le faire. Et il montre le truc le plus Mais oui, je l'ai. éclaté au monde. Il soude beaucoup, non? Ouais, il soude. Mais en fait, Il c'est fait le des gars, c'est un portails, peu ouais. l'homme à tout faire du Ouais. village, sauf qu'il sait rien faire, cet enfoiré. Et il nous Si, montre si, ça je comme te si. permets Non, pas, non, non, non, il est nul à chier. C'est un scandale. La dernière fois, il a montré une recette de cuisine, c'est mais pour parce qu'en faire même temps, des œufs. tu l'as pas pris dans son meilleur élément, quoi. Ouais, mais c'est la meilleure vidéo que j'ai vue. Genre, il arrive, il fait, oh, regardez les amis, montrer une recette, les œufs, là, c'est infaillible, on peut pas la rater. Et genre, il met. J'ai vu, ouais. Il prend, bah, en fait, il veut faire au bain-marie, tu sais, Kylian, avec une plaque, et tu mets des Oh ramequins et putain, de l'eau au oui. fond de la plaque. Tu mets des ramequins avec un œuf craqué, et ça va faire cuire l'œuf au bain-marie dans le four carré, quoi. Ouais. Sauf que cet abruti, il met pas l'œuf dans le ramequin avec de l'eau directement. Ah, Et il met ça au four et il fait, putain, j'ai foiré la recette et tout. par contre, il est très honnête sur ce qu'il fait, quoi. Ah, par contre, oui, c'est sublime. Mais il est vraiment, c'est mon préf, hein. Salut, c'est Jacques, c'est une de mes chaînes Mais il préférées au fait monde. exprès ou... Non, non, il fait pas exprès, il est Ah 100% putain le authentique, mais juste, pauvre. il est hilarant, ce mec, quoi. Et Putain vraiment, le ouais. Mais pauvre. l'info, il a fait un truc de soudure immonde, dégueulasse. Je sais plus ce que c'était, je pense que c'était pour son voisin, il voulait une forme particulière. Et en vrai, le truc, il était carré, la découpe était bien et tout, je sais plus, disons que c'était un soleil, quoi. Et vraiment, il fait le truc trop bien et tout, il le colle au portail, franchement, bon résultat et tout, alors que c'est Salut, c'est Jacques, quoi. Et d'un coup, il fait, allez, on va lui donner un peu de relief, on va le faire rouiller. Et il le fait rouiller, le truc est Et ouais. dégueulasse, Ah après, putain. Mais les gens, ils aiment bien c'est cette immonde. esthétique où le portail il est rouillé et tout, tu vois. Non, mais lui, il l'a vraiment fait rouiller, je pense, ça devient juste dangereux, le truc, quoi. Il en a fait une arme contondante, quoi. Putain, pas mal. Et voilà. C'était mes recos. Ah ouais, Ok, mais les bah. chaînes de. Ouais, je comprends les chaînes de rénovation. Ouais, passion à rénovation, j'ai suivi un petit moment, ça. Bien sûr, c'est trop bien. Bah surtout, Mais c'est après, un je lâche, passe-temps, moi, au tu bout d'un regardes moment, ça ça me saoule, sans. quoi. Ah, mais c'est ce que je te dis, quand t'en lâches un, tu regardes un autre, en fait. Tu les regardes Ouais, jamais tous d'un j'avoue. coup parce que sinon, bah, il faut poser un jour de congé par semaine, quoi. Ah, tu deviens fou, ouais. Ouais. Puis tu te trompes entre les projets, tu sais. Mais du coup, t'apprends des vrais trucs? Tu t'es déjà resservi d'une. Non, parce que je rénove pas de maison, mais je me dis le jour où ça arrive, de sûr, j'en ai tiré quelque chose de toutes ces vidéos. Oui, et puis tu sais où chercher, quoi, du coup. Inconsciemment même, tu vois, parce que sinon, c'est normal. Sinon, ça sert à rien, tu vois. Donc on verra, écoute, ça sera la Bon, surprise. après, moi, je dis ça, salut, c'est Jacques, la recette des œufs, je l'ai pas refaite, quoi. Ouais, Oui, tu non, peux mais voilà. comprendre. Tu peux comprendre. J'ai pas de On verra ramequin, bien. déjà. On verra bien si ça me sert un jour, sinon, tant pis. Hein. Ouais, ça te Tu vas servira, au t'es pas courant écolo. Quand on C'est aura pour 10 ans ça. de podcast, tu nous feras un point. Ouais, bah, je fais un point, allez. Eh ben Et énorme. voilà. Ouais, bah les gars, bravo. Ainsi se conclut Bah... ce premier épisode de Hotline Maginot. J'ai envie de vous dire. Ouais. Très bon épisode, ça m'a beaucoup plu. Les sujets étaient lourds. Pas de Ah, problème des lourds technique. sujets. Pas de problème technique. Non, non, aucun À problème. peine. Non, mais on Et non, s'améliore. bah, On ouais, devient bien sûr, bien énorme. Là, sûr. on devient énorme, là. C'était fluide, là, c'était fou. Et bah, je Les pense mecs qu'on qui débriefent. peut. Ouais, je Faut pense qu'on qu'on peut rajoute dire au aussi revoir la aux rubrique, auditeurs. la rubrique on débrief à moitié l'épisode à chaque fois. Non, mais C'était voilà, on énorme. peut dire Faites au dire au revoir aux gens et on revoir. débriefe après. Au Et puis revoir aux voilà, suivez auditeurs et nous. puis. Mettez vos Ouais, réseaux n'oubliez pas de sur nous suivre. Spotify. Des commentaires, des likes. C'est Et on va ça, des peut-être ouvrir un commentaires. Twitter. Ouvrir un On a un Twitter Twitter. de. Bien Ouais, mais sûr. celui de D'entrée lancer. des Bon, artistes. Mais c'est ouais, pareil, voilà. c'est comme ça que ça C'est marche. la même émission, hein. Ok. Ce n'est qu'un spin-off. C'est vrai, on mettra Allez. on va changer la bio, mais on va faire ça. Et bah suivez-nous sur les Suivez-moi. réseaux, écoutez-nous Suivez-moi sur bien et Instagram, que les meufs. suivez Julien. Les mecs, suivez Kylian. Avec plaisir, on prend tout, tout Les motards, auditeur. suivez Brice. Oh, très peu. Et Bon, si le allez, et puis mec nazi voilà. de Toulouse nous écoute, suis Brice aussi. Dans la rue par contre. Et puis aussi, n'oubliez pas, on veut un message de quelqu'un qui fait popopolo popopo dans les stades Qui a les de couilles de le faire tennis. surtout, parce que faut avoir des couilles Non, mais aussi. qui l'a déjà fait, on veut un retour Il a déjà fait. Non, d'expérience. non, on veut pas Qui est ce qu'il faut le gars? faire. Allez, ça marche. Bon les gars, Et puis tchuss! voilà, la bise. Tchuss. Bisous. Au revoir. Allez, bisous.